C'est fou ça. 89.1. C'est que ça me donne le goût de danser, hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On recevra un joueur d'improvisation et on ira avec lui dans les coulisses de la huître. Sébastien Zut vous dira si vous êtes narcissique dans sa dernière chronique Vaufoyeur, j'y suis. Et on apprendra des choses très intéressantes dans la chronique C'est un fait. Assemblage requis commence tout de suite. Merci Canal Météo avec faible neige ce matin. Bouh, petite neige fofolle. Canal Météo. C'est plus qu'une légère neige ce matin. Oui, c'est une tempête! Ah, j'irai pas jusque-là, j'irai pas jusqu'à rouler à moins de 40 km/h sur l'autoroute, comme c'était le cas ce matin, et c'est ce qui fait qu'on commence en maudit retard. Ben, c'est correct. Ça va arriver de temps en temps l'hiver, hein, c'est normal quand même. Oui. Uh-huh. Bonjour, Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu Plante. Ça va? Oui, ça va. Oui, passe une belle fête de semaine. Oui, ben écoute, tu parles de tempête de neige. J'ai une anecdote pour toi. Comme ça. Avant même qu'on fasse le plan d'aujourd'hui. C'est ça, pas grave. C'est okay, on peut commencer comme ça. On fait des choses dans le désordre. Aujourd'hui, il neige. Ouais. Je suis allé au IKEA en fin de semaine. Dans la région de Montréal. OK. Et puis je suis revenu, puis là je fais des grands gestes. Oui. Montréal, c'est par la bas. Oui, puis là, moi ici, puis il neige en haut, puis ça tombe en bas. Oui, c'est même droit devant, oui. Droit derrière, de tout petit rond. Et puis, tu sais, il annonçait encore faible neige oui. Samedi soir. Et puis, ben, il faisait de la faible neige, mais avec de la poudrerie, puis ben du vent. Puis j'étais sur la 55, tu sais, la fameuse route que personne aime, ouais. Qui amène de la 20 à Trois-Rivières. Et puis, on voyait rien. C'était un voile. Je voyais à 1 cm devant moi. Puis, on a littéralement roulé à 20 km/h. Ah, yark. En espérant qu'on soit dans la route. On soit dans la route? Ben, j'avais peur à un moment donné. Ouais. J'ai eu peur, Mathieu. J'ai eu peur. Ah, mais t'as envie? Oui! Ah. J'ai vu toutes nos émissions défiler devant nos yeux. Hey, le temps devait être long en tabarnouche pour l'instant. Non, mais j'ai ri. Oh! Donc, bonjour, des fois, bienvenue. J'ai pleuré. Des fois, t'as pleuré. Bienvenue à Sauvage Requis, ce lundi 27 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait des studios de ces fois à Trois-Rivières, évidemment. Très, très tard comparé à d'habitude, mais quand même. On est là. On s'en sort. Vous aussi, vous êtes sûrement en retard dans vos affaires. Parce qu'on n'avait tous pas prévu qu'il y aurait autant de neige et autant de gens très, très lents sur les routes ce matin. Oui, quand même. Donc, même les déneigeuses, on dirait qu'ils ont fait faible neige. On peut sortir plus tard. Il n'y a rien là. Non. Merci, Canal Météo. Canal Météo. Ce gars, il me dit quelque chose. Oui. Mais bon, si vous n'êtes pas encore parti, partez de suite. Parce que c'est ça. Oui. Faites attention. Dépêchez-vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir seulement une seule chronique de quelqu'un en studio. C'est celle de la huître. Dans les coulisses de la huître, on va parler avec Alexandre Marchand. Tantôt à 8h, c'est confirmé. On va en parler d'improvisation et du match de ce soir à la Chasse Galerie 19h30. Génial! En différé, on va recevoir Sébastien Dulude. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que le temps va nous le permettre, on se clenche les deux dernières. On le laisse passer aussi, là, mais on se clenche les deux dernières. On le fait? Parce que je pense que c'est vrai. Là. OK. On a le temps. On le fait. On a le temps, on n'a pas de chronique de l'AGE aujourd'hui à 8h30. Non, c'est vrai. On la retrouve la semaine prochaine, Roxane Dulon. Et puis à la toute fin, on va faire arrête avec tes questions. Mm-hmm. Ça, c'est toujours bien intéressant que tu me poses des questions et puis que moi, sur le vif, comme ça, avec mes connaissances en général. Je te réponds. Oui. Et ça a l'air vrai. Comme le vif d'or. Le vif d'or? Oui. Toi, t'es le vif, c'est fou. Ah. Pourquoi? Je sais pas pourquoi je la trouve drôle. Meunier, vif d'or. Vous l'avez pas trop vite. Mais on va commencer avec C'est un fait dans quelques instants. Génial. Avant ça. Une petite chanson. Meunier, vif d'or. On commence avec Dear Criminals, nouvelle entrée du côté anglophone. C'est Lover Suicide, c'est bon, ça commence quand même relax. Fait que Montréal, c'est par là, tu disais? Oui, puis ici, c'est par là. Ici, c'est par là, okay. Oui, moi, je suis ici. OK. Mais à 40 km/h sur l'autoroute, pas plus. When you kill your hope, just to see it but from its cage, just to feel it dry, press it against her chest and you wonder why. Sink or love a suicide when you kill your heart just to see it die. Rip it from its cage just to feel it dry. Press it against the chest and you wonder why. So tempting, although you know at the end you won't be standing. How empty when your heart is left stranded. Until love, love or suicide. Anything that you want, just like your words, they'll come and leave. I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. I won't be flesh, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, write me, draw me anything that anything you want. Just like your words, they'll come and leave. I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. Won't you flash, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, tell me, tell me this place you belong. Touch me, touch me, touch me, touch me now. Or carry me along. Hold me, hold me, hold me, hold me tight when I'm gone. Kill me, kill me, kill me, kill me now. Bury me alone. Criminals et Lovers Suicide. C'est vrai, j'ai une job. C'est pas grave. On va recommencer ça. Prends tes feuilles. Prends pas celle barrée par Steph jeudi passé, tu comprendras jamais rien. Ah, oh. Je fais fi de ça. Eh oui, fais fi, fais fi, fais fi! tu sais, à la place de faire fi, on va faire fait. C'est-tu de là l'affaire? Oui. C'est un fait. Mm-hmm. Sifflons aussi. OK. Ouf, c'est un fait. Juste à la fin. On est un duo humoristique, premièrement, mais aussi musical. Oui, on est polyvalent. Et on fait des spectacles 500 semaines. Tu payes votre serveuse. Bon, oui. Bref, c'est l'enfer. C'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Et on commence avec le fait que récemment, le 21 janvier dernier, donc ça c'était mardi passé, c'était la journée nationale de l'appréciation des écureuils. Ah! On a manqué ça. Dire que j'ai pas pu leur dire. Ben non. Il faisait si froid, hein, puis moi j'étais si bien en dedans. Ah. Puis eux, il y avait si froid dehors. Ils se gelaient les noix. Oui. ensuite, le 20 janvier, ça c'est lundi passé, c'était la journée nationale des amoureux du fromage. Ah. Tu sais. Donc, tu aurais pu vraiment faire fromage le lundi, écureuil le mardi. Et noix. Noix, fromage sur une baguette de pain. Ça avait été la semaine nationale de la baguette de pain. Ben oui, puis du sirop d'érable. C'est ça. Oui. Du miel, n'importe quoi. En 1975, dans un concours de nommer l'équipe, là, tu sais, nommer l'équipe. L'équipe de Seattle a choisi les Seahawks. Ça aurait pu être les Rain Beans, les Aqua Ducks et les Lumberjacks. Oh, c'est viril, ça. Oh, ben oui. Les Seattle Lumberjacks. Bien membré. Oui. Oui. Oui. Le Grammy Award, tu sais, c'est les Grammys hier soir. Oui. Le Grammy Award a presque été appelé le Eddie en hommage à Thomas Edison. Ah oui! Ben, ça aurait été donc les Latin Eddies aussi au lieu des Latin Grammys. Ben oui. Tout ça, ça aurait changé tout le cours. Ça aurait changé la donne. Mm-hmm. Si Bill Gates échappait un billet de 100$ par terre, selon Internet, on nous dit que ça vaudrait littéralement pas la peine d'arrêter et de ramasser le billet parce qu'il fait plus d'argent que ça en vivant. C'est tellement con. C'est vraiment imbécile. Selon le Daily Telegraph, 16% des parents britanniques admettent faire tous les devoirs de leurs enfants. Ah ouais, OK. 16%. Tes enfants, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ah ouais, fais mes devoirs, moi j'écoute la télé. Je te ferai un résumé plus tard. Ben ouais, mais c'est... Ouais. 16%, c'est beaucoup. La lucha libre, la lutte. Lucha libre, tu connais ça? Lucha libre. Lucha libre. Un peu comme le personnage de la compagnie de téléphone, petit lutteur. Oui. C'est... Bon. Bref, souvent, les lutteurs de la lucha libre sont divisés en deux catégories. Rudos pour les méchants et technicos pour les gentils. Mm-hmm. Les bons versus les méchants dans la lucha libre. Toi, les technicos, c'est technicos. Ceux qui ont la technique. C'est les gentils. C'est ça. Ils sont fins. Quand t'as une technique, quand t'as un diplôme, oui, t'es fin. T'es gentil. C'est ce que je me fais dire tout le temps. Le soulier le plus vieux à avoir été trouvé dans la même cave en Arménie que l'équipement pour faire du vin le plus vieux du monde aussi. Donc, le plus vieux soulier du monde avec l'équipement de vin le plus vieux du monde en Arménie. C'est bien Arménie qu'on dit, je crois. Oui, Arménie. Arménie. Voilà. Tu sais, le... Il y a un petit genre de... Ça ressemble à un ressort. C'est comme un genre de cercle qui tourne dans un sens sur la coquille d'un escargot. OK, oui, oui. C'est l'escargot. Oui, oui. Un genre de cercle à l'infini, là. C'est ça, si on veut. Bref, tout ça, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre s'ils sont droitiers. OK, là, on parle d'escargot. L'escargot. Et dans le sens anti-horaire s'ils sont gauchers. Je dois t'avouer que je me suis jamais vraiment attardé à ça. Non. Non. Non, mais tu sais, non, non plus. Non plus. La prochaine fois que je prends des escargots à l'aise, je regarderai, même s'il n'y a pas de coquille. Mais tu sais que tout le monde tangue d'un côté ou de l'autre, tu sais, mais ça le dit pas pour l'humain. Tu sais. Si, ouais. Quand tu tangues du côté droit, c'est parce que t'es gaucher. Ou droit, ouais. Ça c'est une question de tangage. C'est ça, c'est comme. C'est ça. Je t'engage! Je t'engage! Ouais, intéressant quand même. Daniel Radcliffe, tu connais l'acteur qui joue Harry Potter? Oui. Mm-hmm. Dolores! En Dolores. Oui. OK. Là, tu es pour avoir mal. Oh, oh, ah! Ciel, mon GP! C'est ça. C'est déjà fait. Est-ce que tu peux me guérir à la place? Ouais, je me souviens plus de la formule. Bon, laisse faire le bon. Daniel Radcliffe, qui souffre de dyspraxia, D-Y-S-P-R-A-X-I-A, qui est un désordre du développement des capacités motrices, donc quelques problèmes de mouvement. Vous allez voir ça sur Wikipédia. C'est ça, des fois, qu'il y a de la misère à donner des sorts. D'être ça. Il n'est pas capable de lever sa baguette. D'être ça. Lever sa baguette. Il vous faut s'y aller, ça. Si votre baguette lève plus pendant plus que 4 heures, contactez un médecin. Dolores. Oh! Dolores, c'est le nouveau médicament. Oui. OK, oui, oui, j'aime ça. Pour faire descendre. On revient aux dates. Le 23 janvier, donc le 23 janvier 20, 21, 22, 23, jeudi passé, c'était la journée nationale de l'écriture à la main. Tu sais, écrire à la main, ça se fait presque plus. On fait du LOL, MDR, Be Right Back. Siri. Siri, s'il te plaît, écris BRB, LOL pour moi. Oui. Donc, c'est la journée nationale de l'écriture à la main. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Voilà. Est-ce que tu changerais vraiment tes habitudes pour les journées internationales de l'écriture de la main? Jamais. C'est pour ça que j'ai fait à la retard. À retard. On se sent pas mal de les faire. C'est ça. Oh, c'est pas j'ai raté ça. Je vais s'arrêter l'année prochaine. Ah, ça, c'est con. Avoir su. Avoir su mes noix. Mais oui. Avant le... celui-là, il est confirmé parce qu'il vient d'une source sûre, mais j'ai pas les explications, fait qu'on va juste en jaser comme on le fait si bien. On va bullshiter, comme on fait toujours. Parfait. Avant le 12e siècle, midi était situé à 15 heures. Dans le sens que quand tu disais midi, là, ça voulait dire 15 heures et non pas 12 heures. C'est devenu 12 heures après ça. Oui, ça c'est depuis que les brasseries d'alcool sont en fait leur apparition. Parce que tu dis toujours, ah oh, ben tu sais, je vais prendre une bière, ben pas avant midi. Mais là, les gens voulaient boire un peu plus tôt. Ah! Oh! Est-ce que c'est vrai? Non, c'est bien bullshité. T'es un bon acteur. Oh, wow! Et le Grammy va, hein? Oui, c'est ça. Mauvais prix. On a un ban en live. Wouhou! Donc, oui, c'est ce midi, il était à 15h. Ça a du sens, ton explication, man. Ben, c'est la seule chose que je vois de plausible. Ça a bien le sens. Sinon, peut-être les fermiers, ça a tout un rapport avec les fermiers, les affaires d'heure, comme ouais. Un changement d'heure, bref. personne, on parle de l'Olympique un petit peu. Personne n'a gagné plus de médailles de métal aux Jeux Olympiques d'hiver que le skieur cross-country Bjørn Dæhlie de Norvège qui avait 12 ans. Je vais reprendre la personne qui vient de dire ça. T'es con, là. C'est traduit vraiment mal. Qui a 12 médailles. OK. Mais il n'y a pas 12 ans. Non. Non. Ça aurait été impressionnant. Et ça n'a rien à voir avec l'alcool non plus. Surtout sachant que les Jeux olympiques sont aux 4 ans. C'est ça. Wow! Même droit le vent de sa mère. C'est un médaille olympique. Aïe, aïe, c'était mal traduit. Depuis 1896, qui était le début des Jeux olympiques modernes, seulement la Grèce et l'Australie ont participé dans chaque Jeux olympiques. OK. Félicitations à eux. Londres est la seule ville... À chaque discipline, dans le fond. À chaque Jeux olympiques. Ah oh, non, OK, avant... C'est depuis le début des Jeux olympiques modernes. Londres est la seule ville à avoir accueilli les Jeux olympiques d'été trois fois, en 1908, en 1948 et en 2012. Oui. Mm-hmm. Est-ce que tu avais écouté la cérémonie d'ouverture? Non, des Jeux olympiques? C'est vraiment plate! Ah ouais, ah non, c'était bon, t'aurais aimé ça, Mathieu. OK, ah ouais. Je l'ai enregistré sur mon hélico. On y va! Hélico? Oui. Allons-y, hélico. Hélico presto. On dirait Batman si on y va. Hélico. C'est bon. Bref. Mais c'était très bon. T'es au cap, toi? T'es au cap? Non, je fais chez mes parents. OK. Ah. On apprend tous les jours sur ouais, toi. En 2012, j'avais rajouté ça. En 2012. En 2012. aux premiers Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896, les médailles d'argent étaient données aux gagnants et le bronze à la deuxième place. OK. L'or, à ce moment-là, n'était pas encore dans les médailles, apparemment. Bon, mais ça coûtait trop cher. Ça doit être ça. J'ai un petit extrait audio. Oh, bah arrête donc. Ben, je te jure, c'était assez gentil avec moi. Je vais couper la chronique en deux. OK, coupons ça. Ouais. On fera le reste après la chronique de la huître, si ça te dérange pas. Mais ce qu'on a ici, c'est... tu sais qu'encore aujourd'hui, et je savais pas que ça se faisait encore aujourd'hui, mais les chansons des films de Disney sont encore traduites en plein d'autres langues. OK. Ça se fait encore aujourd'hui, je savais pas. Et pour le plus récent film Frozen de Disney... Oui, qui paraît qu'il est très bon. Apparemment. Ils l'ont fait en 25 langues. OK. Donc, il y a un genre de petit mash-up, si on veut, non, de ces 25 chansons-là, puis ça me tente de le faire entendre. OK. Uh-huh. Donc, il l'a en espagnol, en norvégien, anglais, français, allemand, mandarin, suédois, japonais, et un paquet d'autres. Donc, on écoute ça pour terminer. C'est un fait. Puis, on revient avec une deuxième partie plus tard dans l'émission. Restez là. Mm-hmm. Je me rappelle des souvenirs de quand Sting, le chanteur français, c'était super bien. Ah, moi, je pensais que ça te rappelait des souvenirs de quand t'es sorti de l'auto. Le vent? Oui. J'ai mal. Alors, Doloris. C'est comme Doris, genre au snack bar, mais elle s'appelle Ardolo. Ardolo. Ardoloris. C'est celle qui travaille chez Delo. Andoloris. Andoloris. Ok. C'est un kitten, je te c'est parfait. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheult so wie der Sturm ganz tief in mir. Het wird mij te veel, hoop mijn best ook dit. Wir an Tamen ging leid, kann dir, so hau nü heil, du schau nie da zum Tier, wie so in den Ting, wo du wenn ja. Szívemen ül a jég. Desde la distancia qué pequeño todo es. Y las cosas que em dominaban per sempre han fugit. No es un difecto, es una virtud y no la fermerò mai più. Me manderò t'aiuto que sale. Sadie cry, no. message, ça te t'auras niet mee. Ah, je vous avais averti que ça allait être, mais ça valait la peine parce qu'on a entendu 25 versions, 25 langues de cette chanson du film Frozen de Disney. Et on a entendu vers la toute fin, je suis là, là, là, là. Je suis là. C'est la version québécoise. Je ne sais même pas qui la chante. Et même si je le savais, je ne le dirais pas parce que je ne veux pas dire que j'ai joué cette chanson-là avec cette fille-là à Jonathan. Ben, c'est moi. C'est toi qui chante ça? C'est oui, je suis un garçon. Juan Felipe! Donc, le film Frozen qui est un succès partout dans le monde, ça a ramassé plus de 750 millions de dollars déjà au box-office et tout le monde adore les personnages, la musique, etc. Et ils l'ont fait faire en 25 langues. Et évidemment, ça montre le fait que Disney est vraiment très, très près de la réalisation des musiques pour ses films. Mm-hmm. Ils ont un grand contrôle de la qualité et ils ont main mise sur le projet. Quand même, hein? Ça doit sonner exactement comme l'original. Et vous avez vu qu'ils ont réussi à atteindre le même ton de voix avec chacune des chanteuses, même si la chanteuse n'est pas dans ce registre là d'habitude. Genre, ils ont trouvé quelqu'un qui était dans le registre pour réussir à chanter ça sur le même ton. Mais mettons là, que tu m'aurais pas dit que ça c'était 25 fois différent. Ouais. Ben, je l'aurais jamais su, Mathieu. Jamais. Ben, c'est jamais pour ça que je le fais entendre. Et il y a eu la version française, comme je disais au tout début, et la version québécoise à la toute fin ou presque. Ouais. Dans les derniers segments. Un bon sandwich francophone. Oui. Miam, miam. Donc voilà, la vidéo est sur assemblagerequis.com. Dans la section C'est un fait, c'est super. Ouais. Ouais. On prend une pause, on revient avec la chronique dans les coulisses de la huître. Vous savez, quand on lance une huître sur un mur, ça fait quoi? Une coulisse. Donc, comment? Merci, JP. Oui, je suis le bruiteur officiel. Chanteur, bruiteur, mais qu'est-ce qu'il fait pas? Voilà. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Tout est nouveau autour de nous, mais nous sommes les mêmes. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. De toujours Assemblage requis en ce lundi 27 janvier 2014. Oui, monsieur. Oui. Tout à l'heure, dans les coulisses de la huître, mais avant ça, un petit peu de musique. Pour se préparer. Ouais. Lui, c'est le temps de braver la tempête. Tout à fait. Ben, c'est normal. Hein. Je pense que pas mal tout le monde va être en retard cette semaine. C'est compréhensible. Cette semaine. Et seulement cette semaine. La permission est donnée pour cette semaine seulement. Donc, prenez ça pour acquis. Sinon, c'est la mafia qui va vous courir après. Ouais. Je pensais que c'était de l'espagnol. Prenez ça pour acquis. Pour acquis. Pour acquis. Pour ici. Pour emporter. Sorti du concert, goudron et plume, échappé du drugstore moderne. J'attends la cerise, le dessert. La chantilly coule dans l'ambulance. Je déambule jusqu'à la prochaine danse. Je fais partie de la mafia douce, celle qui te taxe par petites touches. Il est trop tard pour tourner d'un fait. Je veux juste un baiser au bout de temps. Sexe, si je le suis, je serai resté. La mafia douce. De... Pendant ce temps-là, moi je vais te le dire, c'est pendentif. Ah, c'est ça. Mais c'est donc ben c'est bizarre comme écriture. Là. J'arrivais pas à lire de loin. Bon, ok. J'avais les yeux fermés. Les excuses le matin, c'est quoi après ça tu vas me dire, genre qu'il neige? Mais je t'ai jamais dit que j'étais aveugle, Mathieu. Jean-Philippe, est-ce que t'es prêt à accueillir quelqu'un de la Luître? Mais certainement, Mathieu. Ça va être drôle, là. Oui. Mais pas trop. Ben, il faut que ça soit le matin, on faudrait pas que les gens tombent à terre dans la balle de céréales, je sais pas trop. Non. Donc, voici dans les coulisses de la Luître. C'est dans les coulisses de la Luître où on reçoit à chaque semaine un joueur ou une joueuse de la Luître de la Ligue d'improvisation. C'est la Ligue universitaire, en fait, d'improvisation de Trois-Rivières. Celle de l'UQTR. Celle de l'UQTR. Sinon, ça aurait été la Luître écutrice. Ça aurait été comme un petit peu long à prononcer, mais c'est pas grave. Ouais. On reçoit Alexandre Marchand. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Oui, ça va bien, vous? Je prononce bien ton nom? Oui, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, on va te demander de nous parler, en fait, de toi un petit peu, de décrire ton rôle dans la Luître. Qui es-tu? Dans quelle équipe es-tu? Oui, donc, présentement, je suis substitut dans l'équipe des Rouges. Donc, je ne suis pas joueur à temps plein. Ce qui me différencie peut-être un peu des autres joueurs que vous avez reçus. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres substituts jusqu'à présent. Je crois que non, mais non. Puis pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, un substitut, dans le fond, c'est quoi son rôle exactement? Ben, dans le fond, le rôle du substitut de base dans l'équipe des Rouges, c'est de jouer à la place d'un joueur si jamais il y a un joueur qui est absent, qui ne peut pas se présenter. On est quand même au baccalauréat. Il y a des moments, des fois, où il y a des personnes, c'est plus dur de se pointer les lundis soirs. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui ne peut pas, je monte sur scène à ce moment-là. Ça peut arriver aussi que je remplace dans une autre équipe si jamais besoin okay. il y a. C'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison. Cette saison-ci, c'est arrivé, donc t'as pas pour moi, remplacé. Mais okay. Pour un autre joueur, c'est déjà arrivé, fait que ça peut arriver aussi. Si mettons, ça arrivait puis tu jouais contre les Rouges. On m'a proposé ça une fois, mais finalement, il y a quelqu'un des Bleus qui a joué. Je trouvais que c'était un peu... Est-ce que dans ce cas-là, c'est quelque chose... Est-ce que ça devient personnel? Tu te dis, ah ouais, je vais leur montrer. Tu vas voir. Ah, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, il y aurait une petite touche compétitive de oui, plus. Quand même. Ça doit être drôle. Sur notre plus personnel, tiens, toi, précisément, Alexandre Marchand, qui es-tu? Dans quel champ d'études tu es? Oui, particulier peut-être pour le monde de l'improvisation. J'étudie présentement en physique. Okay. Je sais que c'est pas commun. D'habitude, on retrouve plus du monde peut-être dans le domaine des communications, en récréo, en enseignement. Voilà, je suis en troisième année présentement au baccalauréat en physique. Je suis particulier. Je suis un peu... T'es un spécial. Oui, c'est un spécial. Je suis bizarre un peu. Je suis différent. Oui, absolument. Mais c'est excellent. Ça peut amener d'autres choses aussi, là, comme dans une improvisation. Variété. Mm-hmm. Oui, on devrait faire un site fait sur une question physique. Là. OK, ah oui. Hein. Ah ouais, ça serait bon. Puis, il défrait tout ce que je dis. Un peu comme quand je suis avec Stéphanie les mercredis, jeudi. Tout ce que je dis dans mes chroniques, elle dit... C'est pas nécessairement tout à fait ça. Moi, j'acquiesce. Je suis docile. T'es docile. Et puis, Alexandre, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'impro? J'ai commencé en secondaire 1. J'étais vraiment une petite boule de stress à ce moment-là. Puis, okay. Avec un ami, je me suis dit, on va essayer ça. Ça va peut-être nous déniaiser un peu, nous dégêner. Puis, effectivement, ça a marché un peu. Donc, depuis secondaire 1, j'ai fait ça tout mon secondaire, tout mon cégep, pas mal, et l'université maintenant. OK. Et puis donc dès les premières, ben quand même. Oui. On arrête pas. Oui, quand même, les gens d'impro, c'est toujours des gens qui ont commencé jeunes, souvent. C'est vrai, ça? Oui, ben c'est juste une passion. À un moment donné, un peu comme le théâtre, tu développes ça, puis tu décides de t'investir dedans. Oui, ça devient une partie de ta vie. Tu peux pas t'empêcher de penser à ça comme tout le temps. Oui. Tiens, on aime bien demander tes meilleurs et pires, oui, souvenirs d'impro. Beaucoup, je te dirais. Mon meilleur souvenir, c'était, ça fait un bout, c'est au secondaire. On avait des tournois d'improvisation à Saint-Pascal de Kamouraska. À cet endroit-là, dans le fond, c'était toujours magique quand on arrivait là-bas. Super ambiance, plein d'équipes qui venaient de partout dans la province. Je te dirais vraiment, on s'est rendu en quart de finale une fois. parce que les autres fois, c'était assez dramatique. Là. On était pas super bons là, comparé à d'autres équipes, disons. Mais quand on s'est rendu en quart de finale, une fois, c'était juste un moment vraiment magique là, en gang qu'on était à cette époque-là. Là. D'ailleurs, la plupart des joueurs qui font encore de l'impro aujourd'hui là, à Trois-Rivières ou Montréal, là, qu'on était tous ensemble, c'était vraiment, vraiment impressionnant comme moment. Ah, oh, c'est le fun. Hey, d'habitude, les gens commencent par leur pire souvenir, c'est ça? Non, mais je le soulignais. Je me donnais un peu de temps pour y penser. Parce que, maintenant que j'y ai bien pensé, quand on est improvisé au secondaire, à un moment donné, il y avait eu une journée d'improvisation. Puis on était allé on improvisait dans une église. Dans le fond, c'était comme un petit tournoi. Et il y avait, à ce moment-là, François Laneuville, qui est quand même un joueur connu de la LIM en Mauricie. Puis lui, dans le fond, il arbitrait à ce moment-là. Puis à un moment donné, pendant une de nos improvisations mixtes, il avait décidé d'arrêter l'improvisation, sûrement parce que c'était trop à chier plein milieu. Puis il nous avait comme dit comme qu'est-ce qui allait pas. Puis il avait dit ben on va recommencer. Oh. Mais ça a tellement brisé le mood à tout le monde. On était comme tu sais quelqu'un tu viens de faire taper ses doigts puis c'était comme juste ok c'est bon. Puis est-ce que c'était meilleur la deuxième fois ou c'était pareil? Tout le monde était comme trop stressé on dirait pour vraiment être comme fait ok on est vraiment mauvais présentement là. Tout le monde était vraiment sous le choc. Il est donc bien sauvage. Ouais, ça avait été dur à gérer à ce moment-là. Puis c'est sûr que maintenant on comprend. On se dit, ouais, on était pas bon. Oui. Mais c'est vrai que sur le coup, puis en plus de recommencer après ça, on va la refaire. Moi, là, tu te dis que l'idée, tu sais, t'as fait un petit brainstorm là, puis tu te dis, ok, ouais, c'est bon, c'est là-dessus qu'on s'en va. Puis là, tu te dis, ah non, on vient de se faire casser les reins. Là. Tu sais que l'impro, c'est jamais long. En plus, tu peux juste te laisser finir puis faire comme si de rien n'était puis personne ne va jamais reparler. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Ah, en tout cas, ben, c'est une très bonne pire anecdote, ça, je pense. Oui, ouais. Hey, Mathieu, est-ce qu'on s'essaye? Est-ce qu'on se lance sur les questions qu'on a refaites? OK. Oui, ouais. On a des petites questions en rafale. Oui. Et puis, écoute, tu peux élaborer là-dessus la longueur que tu veux. Parfait. Y a pas, c'est bon, on va. ton déjeuner préféré? mon déjeuner préféré, sérieusement, c'est un classique. Je veux dire, c'est vraiment le œuf, bacon, jambon, patate. En fait, j'aime ça quand j'ai le choix des trois viandes. Okay. C'est vraiment important parce que, tu sais, souvent, ils te demandent de choisir saucisse, bacon, jambon. Puis, t'es toujours comme, pourquoi je choisis aussi déchirant? Je oui. t'appuie là-dedans. Pourquoi mais... pas les trois? Oui. L'important, c'est dans quel ordre tu les manges aussi. Là. Ah, ben, je te dirais, sérieusement, je suis un grand fan de bacon. Oui. Puis c'est sûr que le bacon, il m'attire en premier. Je te dirais, le plus délaissé, c'est sûr, c'est le jambon. Tout à fait, oui. Vraiment, là. La saucisse, c'est un bon entre-deux. Puis le jambon, je trouve que c'est le plus plate à commander en extra. Eh oui, tellement. Souvent, ça arrive, puis c'est juste une tranche de jambon réchauffé. Solitaire. Oui, puis là, tu te dis, ah... T'es seul, pauvre jambon. Oui. Est-ce que tu connais vraiment quelqu'un qui commande du jambon? À part, non. Je sais pas pourquoi on remplace pas notre jambon par un extra bacon à chaque fois. C'est vrai, ça serait bon. Ouais. Est-ce que tu manges des petits légumes qui viennent avec? Des fois, c'est une petite salade, feuille de salade, petite tranche de tomate. Tu manges oui, absolument. Ouais. Absolument. T'sais. Dès que c'est dans l'assiette. Ah oui, c'est ça. Si ça se mange, c'est comestible. Moi, chez la cafétéria, des fois, la salade et la tomate sont un borderline. Ouais. Mais l'orange est toujours bon. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Ça dépend des places. Hein? Ouais. C'est quoi les autres questions qu'on avait préparées? Oui, toi, est-ce que tu serais plus... en fait, est-ce que tu es plus Mac ou PC? Ah, ouais. C'est une question délicate, ça. Je sais que ça froisse certaines personnes. Moi, on n'est pas du 20 avril, mais non, je suis un peu plus PC. Peut-être... Moi, je frappais. Peut-être par mon côté un peu plus gamer. Ouais, c'est ça. Je trouve ça plus pratique d'avoir un PC à ce moment-là. Pas que Mac, c'est nécessairement mauvais. Là. C'est juste que ça coûte un petit peu plus cher pour les performances que je peux atteindre avec, mettons, mon PC plus... T'as bien répondu. Oui, quand même. Ouais. Et sinon, là, évidemment, on demande des questions vraiment qui représentent le public trifluvien et québécois. C'est vraiment pour rejoindre, pour savoir ce que tu es comparé aux autres. Coke ou Pepsi? Je te dirais Pepsi. Ça fait plus à québécois Pepsi. Au niveau du goût, j'ai jamais vraiment réussi à cerner la différence, mais on va dire pour la fibre un peu patriotique là. Pepsi. Il m'insulte. Ah. S'il avait dit PC puis Coke, là, ça m'aurait vraiment encore plus insulté. Mais bon, au moins, il y a une moitié de la réponse. Ah oui. On était rendu. Ah oui, c'est quoi pour toi l'improvisation? Oui, ben pour moi, l'improvisation, comme je te dis, ça fait tellement longtemps que j'en fais que c'est comme une partie de ma vie. Je suis quelqu'un qui va voir beaucoup d'impro aussi à peu près à toutes les occasions où je peux y aller. Et que l'impro, dans le fond, c'est vraiment une manière pour moi d'exprimer peut-être une partie qui est un peu plus réprimée quand t'es dans un domaine comme la physique, justement. C'est un peu plus sobre comme en environnement. Un peu plus terre à terre. Oui, c'est ça. Fait que ça permet de sortir un peu la petite bête en moi à ce moment-là. C'est aussi un très, très bon moyen de se torturer l'esprit aussi, l'impro. Quand tu sais que t'as fait un mauvais coup, quelque chose comme ça, ça peut te trotter dans la tête très, très, très longtemps. En tout cas, du moins, je suis du genre à faire ça. Ouais, ben c'est comme un sport. Hein. S'il y a un goaler qui laisse passer un but facile, hein, il va s'en vouloir toute sa vie! Oui, c'est ça. J'ai des flashbacks des fois de moments d'improvisation du secondaire. Je suis comme, pourquoi tu penses encore à ça. Est-ce que tu rêves de faire une impro sur ton domaine, sur les affaires scientifiques et ce truc comme ça? Est-ce que tu aimerais ça faire? Est-ce que tu penses que ça pourrait être drôle? Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans? Ben c'est relatif, en fait. Ça m'est déjà arrivé de faire de quoi de similaire. Ben, ce qui est drôle, souvent, c'est le fait de déblatérer assez rapidement des trucs qui ont l'air compliqués, théoriques. Et souvent, le monde sont comme un peu comme... Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est sûrement parle? De la bullshit. Mais des fois, non. Mais ça serait pas nécessairement drôle. Parce que les physiciens aiment beaucoup être précis. Hein. Tout est dans la précision. Ouais. Je me rappelle à la lutte, il y a eu un impro à un moment donné, il parlait du chat de Schrödinger. Oui. Je pense que c'était cette année, puis justement, moi, j'étais dans la salle, puis ça me titillait, j'étais comme... Ah, c'est pas exactement non, ça! Il est-tu mort, il est-tu vivant? C'est ça. On connaît la base. Oui, c'est ça. On connaît le nom, puis après ça... Après ça, c'est plutôt limité. Oui, tu perds pas mal de oui. Oui. Ben, c'est pas mal tout pour les questions, si on avait d'autres? Non, moi, ça allait. J'essaie rapidement de faire d'autres questions en rafale, mais ça pas ça vient pas, des fois, le matin. On a nos classiques, c'est ça. Oui. On commence à trop en mettre, JP, ça va trop avoir l'air préparé. Ouais, c'est vrai. Pas faire exactement. Ouais. Mais on serait rendu au moment où je vais expliquer peut-être rapidement le concept. Est-ce que tu es à l'aise avec le concept d'aparté? Dans le fond, on va te mettre une petite chanson thème et puis après ça, dans le fond, c'est comme si tu faisais une improvisation avec toi-même. Hein. Je pense que c'est comme ça. Et puis c'est un peu une façon, dans le fond, tu parles à toi-même et à nous en même temps, mais nous, on n'interagira pas. Et puis ça dure à peu près quoi, 40 secondes? Environ 40 secondes. Je te fais signe quand commencer, je te fais signe quand terminer. Tu parles directement au public. Donc attention, la question est la suivante. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est vraiment la nature. Hein? Vous comprenez que tu regardes dehors, puis tu sais, la neige, à un moment donné, c'est un peu comme ce qui se passe dans ma tête, puis il vente, puis c'est froid. Moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est vraiment le blanc, tu sais, comme le blanc dans ma tête présentement. Puis je me dis que si je pouvais comme vous faire comprendre l'espace de vivre par la nature, ça serait merveilleux, les gars. C'est excellent. Ah, moi, le blanc. Je trouve qu'il y a des choses de qui reviennent malgré tout. Tout le monde dans une aparté parle comme ça. Parle avec un ton comme ça, c'est vrai. Moi aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Pourtant, c'est pas. C'est la musique qui donne ça, je pense. C'est l'ambiance glauque. Ouais, ça doit être ça. Ou le studio, il y a quelque chose ici qui. Ouais, il y a de quoi de glauque dans le studio. Oui, hein, qui fait que ça sort comme ça. C'est excellent. Vraiment pas accueillant. Ça donne un. Le froid. Le prochain se pointera pas, c'est ça. Donc, il y a un match de la huître ce soir, 19h30, à Chase Gallery. Hein? Oh oui. Oui, comme c'est, toujours. Rapidement, est-ce que tu te souviens c'est qui joue? C'est Orange, je pense. Est-ce que c'est Orange contre Vert? Oui, c'est Orange. Je suis pas mal sûr que c'est Orange contre Vert. Avec... Ouais, tous les deux sur Facebook en train d'aller voir. Oui, rapidement, c'est ça. Orange-Vert, oui, c'est bien ça. Oui, Orange-Vert avec l'équipe des Rouges qui staff. Fait que on va être dans le public et comme un peu... incognito, là, habillé en civil. Oui, là, bien dans ma peau. Et puis, il y a des tirages. Allez-y, allez faire un tour. Ça vaut le coup. Ça va être incroyable. Oui. Donc, ce soir, 19h30, gratuit. Chasse-galerie. Gratuit. Oui, ça, c'est important. Oui, tout à fait. On te remercie, Alexandre Marchand. Et je vous remercie, vous, de m'avoir accueilli ce matin. Viande et substitut de l'équipe des Rouges. Oui, voilà, voilà. Viande, ah, elle est bonne. C'est le 3 viandes de l'équipe des Rouges. Voilà. Oui, 3 viandes. Comme à la cafétéria quand je demande double portion de viande. Et voilà. Et là, je m'assure d'avoir comme 7-8 tranches de bacon. T'es cochon. T'es cochon. Mais tu me connais pas. Merci, donc à bientôt. Ça fait plaisir, à bientôt. Wow. T'as fini là-dessus. Ouais, ouais. Incroyable, ça finissait bien, je trouve. Excellent. Yeah. On retourne en musique. En fait, on va lui envoyer une pièce. Moi, d'habitude, on demande aux joueurs de la Luitre de choisir une chanson. Par contre, il nous a dit, ben là, c'est comme choisir le meilleur chocolat ou son chocolat préféré. Fait que je me suis dit, je vais lui proposer une pièce du groupe Chocolat, OK? OK. Et là, c'est toi qui vas choisir le titre. Tu as le choix entre Piano élégant, petite fille, Albertine comme un chien t'aurait voulu, Jean Ferrat, Sois belle, moitié homme, moitié loup, Tes petits seins, ton appartement, chanson pour malheureux et salive. J'ai juste retenu Sois belle. Sois belle, c'est ce qu'on écoute à l'instant de c'est Chocolat. C'est ce que j'essaie de faire. Et tais-toi, Sois belle, tais-toi. Exactement. Retour plus de C'est un fait à Assemblage Rock qui reste là. Assemblage Rock pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage Rock est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Rock en ce lundi 27 janvier 2014, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. On est en forme. On est en pleine forme. Oui, tu disais à Alexandre Marchand, notre invité de tantôt, qu'une chance est arrivée à l'heure qui est arrivée, parce que si c'est arrivé avant, j'aurais été de mauvaise humeur. Oui. Je suis de mauvaise humeur le matin. Une heure. T'as dit une heure. Une heure environ que ça me prend, mais ça, c'est une heure à partir de mon réveil, pas une heure à début de l'émission quand même. Là. Bon. On se calme. Ben, tu vois, moi, je me lève à 7h15. Non, c'est pas vrai. OK, à quelle heure pour vrai tu te lèves? À 6h30. OK, 6h, 6h. Ouais. Toi, 6h? Ouais. Mais tu sais, je prépare les affaires. Ouais, moi, je déjeune pas. Non. Je vous ai préparé une deuxième partie de cet effet. Yay! J'aime la baisse. Oui. Drum and bass. Un drum and bass. Aha! Tu t'es enlevé un cheveu, mais sois pas si violent que ça pour moi. Pourquoi tu t'enlèves des cheveux? T'as-tu un sort à faire? Oui. Dolores. Ah, Dolores. Fait que tu fasses un petit mélange, une concoction. Ouais, concoction, ça se dit? Il fallait que je te prenne un cheveu sans que tu t'en rendes compte. Ah! L'élixir de l'amour. La Saint-Valentin s'en vient. Oui! Toujours dans cet effet, donc, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On commence avec la chaise électrique. Hein, on commence vraiment positif et de bonne humeur. Hein. Oui. La chaise électrique a été inventée par un dentiste, Alfred Southwick. Tu vas arrêter de bouger quand je t'arrache une dent. Dégueulasse. Du plus petit microprocesseur jusqu'au plus gros mainframe, l'Américain moyen dépend de 264 ordinateurs par jour. Dans ses différentes transactions, sa vie tous les jours... 264? 264 ordinateurs. Il est dépendant de ça. Tu sais, mettons une caisse enregistreuse, un guichet automatique. C'est vrai que c'est... Ouais. Tu m'aurais posé la question, j'aurais peut-être dit plus. OK, quand même. Ouais, mais tu sais, je me dis, tu sais, mettons, j'ai ouvert une application. Il y a ça. Ça a pris déjà mon cellulaire, une autre. Le Google. Ouais, ça en doit en prendre des milliers. Le Facebook. Ouais. Mm-hmm, j'avoue qu'il y en a pas mal. 22 millions d'étudiants au niveau collégial devraient s'inscrire à des cours en ligne dans les 5 prochaines années. OK. Pas pire quand même. Mm-hmm. 22 millions d'étudiants. 12 millions d'étudiants au niveau collégial sont présentement dans un cours en ligne, un ou plus. 12 millions en ce moment. En 2014, on estime que 3,55 millions d'étudiants vont prendre tous leurs cours en ligne en 2014. 3,55, c'est beaucoup. Oui, quand même. Ouais. J'avais oublié de dire qu'on est dans un bloc technologique, juste pour vous dire... Technologie. C'est le genre de choses qu'on ferait à cet effet Tech Edition, sauf qu'on n'a pas le temps. Fait qu'on fait ça. On fait ça ensemble. Tu sais, c'est drôle, par exemple, le Mathieu Plante Show a commencé. Vous connaissez Mathieu Plante Show? Ben oui. Mercredi 16h. C'est qui l'anime? C'est Mathieu Plante. Ah! Ouais. Son show? C'est son show, Mathieu Plante, mais avec aussi Marie-Ève Picard. Et voilà. Et on a commencé cette émission-là parce qu'on manquait de place à Assemblage Rocky pour faire Television, CNX et un paquet d'autres choses comme ça. Donc on s'est dit, on va prendre toutes les chroniques qu'on n'a pas vraiment le temps de faire à Assemblage Rocky et qui sont pas vraiment plaisantes pour un grand public. On va les mettre dans une émission très, très spécialisée comme le Mathieu Plante Show. Oui. Et là, on manque de temps le Mathieu Plante Show, donc je renvoie les affaires à Assemblage. Ramène-moi ça. On le fera pas souvent de toute façon, mais c'est un bloc technologique. Voilà. Oui. Donc, 73% des étudiants au niveau collégial disent qu'ils ne peuvent pas étudier sans technologie. On le comprend. Oui, ça, même tu m'aurais posé la question, je pense que j'aurais dit plus. Mais tu t'en poses des questions, moi t'en poses. Mais tu vois bien que je t'en manque de questions. Ça. On parle de portable, iPhone, iPad et autres gadgets comme ça. 73%, presque le 3/4. Moi, je considère Wikipédia comme un instrument technologique. C'est en effet. Tiens, dis-moi le pourcentage d'étudiants au niveau collégial qui disent que l'accès Wi-Fi sur le campus de leur université ou collège... Est pas assez rapide. Non, les aide à avoir de meilleures notes. Pas assez rapide, ce serait 100%. Moi, je dis 82. 75. Ouais, ouais, ouais. Je te parle si loin. Tu t'approches. Moi, je te donne le point. Mais j'ai overbetté. Le pourcentage d'étudiants au niveau collégial qui disent que leur instructeur, professeur, a besoin d'aide pour faire fonctionner la technologie dans sa classe. OK. 60. Non, juste 31. Ah ouais, c'est bon, c'est ça. Tu vois, j'y élève à la baisse. Ah ouais? En me disant que de plus en plus, les profs bon, se renouvellent. Il y en a qui partent à la retraite, il y en a d'autres qui arrivent. Retraite anticipée, ouais, etc. Un autre pourcentage des étudiants maintenant qui sont d'accord que leur institution utilise leur technologie efficacement. Donc, ils trouvent que leur institution utilise ça correctement, efficacement, sont ça, ça doit pas être beaucoup, ça. Quand même! Que leur institution... utilise bien la technologie bien. De façon efficace. Ah, moi, tu vois, je serais allé dans les 50. C'est dans 59, donc quand même pas si pire. Je pensais que tu voyais ça plus petit que 50. Oh, non. Encore un pourcentage d'étudiants au niveau collégial et universitaire qui préfèrent apprendre dans des cours qui sont en ligne seulement, de très, très grands cours qui sont en ligne seulement, genre avec beaucoup de monde qui participe dans ce cours en ligne-là. Combien de gens qui préfèrent ça au vrai cours? Au vrai cours? Peut-être 66%. 5%! 5%! Celle-là, elle me fait kicker out. Là. Aïe aïe! Je suis out, là. Combien de produits USB en termes de peu importe le chiffre, je te dirais même pas d'indice, le nombre de produits USB qui sont envoyés, donc par année, dans le commerce, prêts à être achetés. Oh! Appareil USB, là, tout ce qui a une prise USB. Tout ce qui a une prise USB dans le monde? Dans le monde par année. Bon, c'est sûr que c'est en milliards. Oui. C'est dans la dizaine de milliards? Non. Non, pas tant non, que ça? Non, pas tant que ça. OK, donc c'est proche de la dizaine de milliards. Non. Bon, OK, fait que 3 milliards. 3 milliards, exactement! Ah! 3 milliards, bravo! De produits USB envoyés par année. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup, c'est ça. Par année. Une fois rendu des milliards, tu sais, 3 ou 10. Hein? Ouais, bah, c'est sûr. Dans ma tête, c'est comme juste beaucoup. Tu sais, ben, mettons qu'on fait de l'argent, là. C'est ça. C'est quoi ton salaire annuel? 3, 10 milliards, tu sais, c'est pas. Je veux dire un ou l'autre. Les Bill Gates, tu sais. Wi-Fi, ça veut dire que Wi-Fi, ça veut rien dire. En fait, c'est une des 10 options de nom de commerce qui vient d'une compagnie qui s'appelle Interbrand. Donc, ils avaient sorti 10 noms et Wi-Fi en faisait partie. Ça veut rien dire. Il y a pas de le Wii, il veut pas dire quelque chose, et le Wi-Fi, il veut pas dire quelque chose. Ah. C'est Wi-Fi. Eh ben, Wi-Fi. Wi-Fi. La police Comic Sans MS, qu'on appelle souvent, a été inventée par un ancien designer de police de caractère de chez Microsoft, Vincent Connard. qui a aussi Monsieur créé... O'Connor. Monsieur O'Connor. C'est dans Terminator. Ah, OK. Je préfère de loin Connard. C'est okay. C-O-N-N-A-R. Ah, OK, Connard. Mais bon. donc, il y a aussi créé d'autres polices très remarquables comme Trébuchet. Ça, c'est quand même une belle police, mais Comic Sans, là, je m'en passerais pas mal. Là. Ouais, ben, elle devient redondante. Elle devient que pourra. Oui. Bluetooth est nommé en l'honneur d'un roi danois. Donc, qui a uni deux territoires. Donc, Bluetooth, dans bleu, c'était un roi danois. Mm. Les claviers QWERTY ont été inventés par Christophe Scholz, qui a inventé la machine à écrire en 1868. C'est lui qui a placé les touches à cet endroit-là. Scholz, là. Voyons. Je sais c'est qui, c'est Scholz, là. Sur Scholz, Scholz, ensuite, le message texte ou les SMS, ça a été développé par une coopérative. En tout cas, bref, c'est une coopération entre deux compagnies, franco et allemande. C'est la GSM Corporation en 1984. C'était entre Friedhelm Hillebrand et Bernard Gilbert. Il a inventé les SMS, les messages textes en 1984. Mm. Le IBM Simon était le premier téléphone avec un écran tactile. On l'appelait, donc on réfère maintenant à lui comme étant le premier smartphone, même si le terme n'avait pas encore été inventé à l'époque, téléphone intelligent. Wow! Le IBM Simon, allez chercher ça sur Google Images. Les claviers QWERTY, on en parlait il y a 2 secondes. Attends un peu, j'ai 2 fois le même fait. On s'en fout. Philip Katz, celui qui a inventé le fichier ZIP en 1986, Philip Katz. Ça a été implanté par le programme PKZIP pour la compagnie Katz. PKWare Inc. Donc, ça a été inventé en 1986, les fichiers ZIP. Toutes les choses qu'on pourrait pas s'en passer maintenant. Exactement. Steve Willight de chez CompuServe, c'est lui qui a inventé ou qui a montré les GIFs animés pour la première fois en juin 1987. GIFs. Je sais pas s'il est animé par contre, c'est pas ça dit pas. Ça doit être juste les GIFs. Ouais. Le premier satellite GPS a été lancé en 1978. Et puis une constellation complète de 24 satellites GPS est entrée en opération en 1995. En 2009, Satoshi Nakamoto a sorti le premier client Bitcoin. Et les premières pièces Bitcoins, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est de l'argent genre virtuel, si on veut. Les Bitcoins sont bien à la mode. Le JavaScript a été créé par Brendan Eich chez Netscape en 1995. Son surnom était Mocha pendant le développement. Mocha était le nom de JavaScript. Est-ce que tu préfères Mocha ou JavaScript? Café ou chocolat? Ben là, je m'en allais là-dessus. C'est-tu lui aussi qui a fait McCoffee? Peut-être. Il faudrait un mélange des deux. C'est un mochaccino. Ah, ouais. C'est un café au chocolat, je pense. C'est ça, mochaccino? Oui. Cappuccino. Oui, exactement. Ouais, okay. Ça a pris au World Wide Web seulement 4 ans pour se rendre à 50 millions d'utilisateurs. Ça t'a donné envie de prendre une gorgée de café, mon taquin. Oui, mais j'allais faire une toux. Une toux. le premier laser a été inventé en Californie en 1960. OK. J'aurais cru que ça restait plus vieux que ça. Aussi. 220 millions de tonnes de vieux ordinateurs et autres matériels technologiques sont envoyés aux poubelles aux États-Unis à chaque année. 220 millions de tonnes. Oh. Ça fait dur. Les gens recyclent pas et jettent tout à la poubelle. L'utilisateur d'un ordinateur moyen va cligner des yeux 7 fois par minute, ce qui est moins de la moitié du taux normal de 20. OK. Quand tu es devant l'ordinateur, tu clignes moins des yeux. Tu as les yeux plus secs. Plate. Ça a pris à la radio 38 ans et à la télévision, on va revenir à un fait qu'on a mentionné tantôt, au fait que ça avait pris au World Wide Web 4 ans pour se rendre à 50 millions d'utilisateurs. Ça a pris à la radio 38 ans et à la télévision 13 ans par comparaison. Mais c'était moins accessible aussi. Ouais. Mosaic était le premier furteur web populaire qui est sorti en 1993. Mosaic. Ok. Je me souviens pas de ça. Moi non plus, avant Netscape. Symbolics.com, S-Y-M-B-O-L-I-C-S.com, est le premier et le plus vieux nom de domaine enregistré. Il a complété sa 28e année le 15 mars 2013. Ok. Symbolics.com, et bien évidemment, attention, on le visite en ce moment et ça fonctionne. Oui. Symbolics.com, voilà. Ça a l'air d'être un site où on peut acheter de la publicité. Non. Ouais, c'est ça. C'est pas mon genre de site, ben. Jusqu'au 14 septembre 1995, l'enregistrement de nom de domaine était gratuit. Ce qui coûte quand même, des fois, je pense que j'ai payé 10$ par année jusqu'à maintenant pour mon nom de domaine. Ouais, mais le serveur coûte plus cher que ça, par oui. exemple. Oui. Mais ouais, c'est ça. Ça dépend, je pense, des noms. Ça oui, c'est ça. Ben, ça dépend de si tu prends un .com, .ca, ouais, point, peu importe. Il y a des plus chers que d'autres. Mais bon, .com, c'est le classique quand même. En moyenne, une personne de 21 ans a dépassé, a passé 5000 heures à jouer à des jeux vidéo et a dépensé 10 000 heures sur son téléphone cellulaire. Wow! En moyenne à 21 ans. 10 000 heures. C'est énorme. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire deux choses en même temps, tu sais. Aux toilettes. Aux toilettes, ouais, ok. Ouais. Je sais pas si tu te forces autant. Moi, je sais pas. Tiens, les grandes marques de commerce sur Facebook reçoivent 20% plus de likes, 29% plus de commentaires et 27% plus de partages les jeudis comparés aux autres jours. Ah, jour de paye. Ah, peut-être, hein? J'avoue, ça aurait pu être parce qu'on commence à s'épuiser à la fin de la semaine, mais ça aurait été plus le vendredi. Ouais, peut-être. Je me suis attendu à un vendredi pas mal plus fructueux que le jeudi. Ouais, ou un lundi, tu n'as pas le goût de revenir au travail. Tu te dis, oh, qu'est-ce que les gens ont fait en fin de semaine? C'est rendu ça, hein? Ouais. Lundi, pendant 3-4 heures par la fin de semaine, vendredi, après-midi, personne ne fait rien. Et il reste rien que le milieu de la semaine. Ouais. C'est ça. Puis d'autres, on fait du montage le vendredi puis le lundi. Bravo, on est vraiment à l'envers du monde. Ouais, vrai. Qu'est-ce que vous allez faire? Et finalement, 40% du temps passé sur les tablettes est passé à faire quelque chose d'autre en même temps. 40% du temps. Une tablette, c'est fait pour accompagner. Être aux toilettes. Être aux toilettes. C'est les nouveaux magazines de 2014. Ah oui, moi je trouve que oui. Ouais. Une chance qu'on a ça. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Voilà pour cet fait presque Tech Edition. Oui. Mais on n'appellera pas ça Tech Edition parce que sinon la musique, elle serait chiptune en arrière puis on serait Mathieu Planchot puis t'aimerais pas ça. Oui, puis je serais une fille. Tu serais une fille. Puis on sortira ensemble. Ménage 3. voilà pour C'est un fait. Et puis on se retrouve une autre fois. On fait ça les lundis pas mal à l'assemblage requis. Oui. Si vous aimez C'est un fait, évidemment, il y a King Sexy Time le mardi. Les astuces sur l'assemblage le jeudi. Mm-hmm. Pas mal ça. C'est des chroniques apprentissage. J'aime ça. Et parlant d'apprendre tantôt, on va sûrement en apprendre un petit peu plus dans Arrête avec tes questions. Oui. Ça ressemble pas mal à C'est un fait, mais c'est un petit peu plus avancé dans les connaissances que je n'ai pas et que je cherche ailleurs, évidemment. JP. Oui, Mathieu. Je vais te décevoir. Ah non. Ouais, j'ai pas le choix de te décevoir. J'ai une parole du Mathieu Planchot. Oui. Tant qu'à faire une plug, on va jouer la seule pièce chiptune du palmarès en ce moment. OK. Du côté anglophone sur le palmarès de C'est fou au grand complet, non pas juste de mon émission. Voici Statue Park et la pièce 1983. Tout de suite. À Assemblage requis. Sur C'est fou. Hein? T'aimes ça, hein? Mais moi, je trouve pas ça si pire. Ah ouais? C'est plus Steph, je pense, qui aime moins ça. Ah! Mais je t'en reparle après. OK. Make people happy, and of course, make a little We hired more programmers when the deadline came. We'd be ready to start shipping to make sure we'd stay in the running. We hired a flock of managers when the deadline came. We'd be ready to start shipping. C'est cool. Statue Park 1983. C'est bon? Mais c'est ça, bon, Mathieu. Est-ce que t'es sûr que t'aimes ça pas vrai? Oui. Tout le monde autour de moi déteste le chiptune. Ben, ça, c'est un entre-deux. C'est ça, parce que ça chante, puis il y a quand même un petit peu de musique différente, autre que juste des bruits de jeux vidéo. Oui, exactement. Il y a du beat. Il y a du beat dans le chiptune aussi, man. Yo. Yo. Si vous aimez le chiptune, écoutez donc le Mathieu Plante Show les mercredis à 16h. J'en fais jouer 3-4. Parfois, là. Maintenant, tiens, on accueille pour une des dernières fois, en fait, pour la dernière fois plus tard dans l'émission d'aujourd'hui, mais là, pour l'instant, l'avant-dernière fois, c'est Sébastien Dulude. Voici sa chronique « Va voir ailleurs, j'y suis ». Mais ça va voir. Va voir ailleurs, j'y suis. Jean-Philippe, je te demande de ne pas dire un seul mot pour le reste de la chronique. T'es en punition dans ton coin. Okay? Ah, ben c'est bon, je vais chercher un café. C'est ça. Sébastien Dulude. Salut. Salut. Ça va bien? Je te reconnais, là. T'es un Sébastien Dulude. T'es le seul et l'unique Sébastien Dulude. Celui-là. Et celui qu'on apprécie beaucoup sur les médias sociaux, parce que ta chronique cette semaine s'appelle « La vie est laide », deux petits points, et puis un « thumbs up » style. « Thumbs up », parenthèse, grec, parenthèse, sur ouais. Facebook. Faut le savoir, mais c'est un yes par ouais. l'heure. Dans la dernière chronique, on jasait, tu me dis, y a-tu des raisons de partir de Trois-Rivières? Ouais. J'ai identifié des raisons de rester à Trois-Rivières. Ouais. Il y en avait trois. Ouais. J'ai pas trouvé d'autres. C'est ça. Là, t'en veux des raisons de partir? S'il te plaît. Hein? La vie est laide, man. Ben là, c'est parce que là, tu vas me déprimer un matin. C'est ça? Tu t'es donné comme mission un matin, je vais déprimer ma Écoute, je peux pas m'attaquer à ta bonne humeur légendaire, mais si jamais t'es dans le public cible, là, mettons que t'es tanné de tout, là, c'est à toi, je parle. Ok, donc notre toi matin, c'est Mathieu Plante. Mais si. Non, mais tu sais, si t'as besoin de raison, là. Ok. T'es tanné de tout, là. C'est à toi que je parle, là. Je suis ouvert à l'esprit à peut-être être déprimé. Vas-y. Mais mettons, là, t'écoutes des vidéos de chats, là. Puis le cœur n'y est plus. Mais comment tu peux faire des vidéos de chats? Ouais, mettons que ça te fait plus rien, là. Okay. On parle de cas graves, là. Faut t'en aller regarder beaucoup, mais pour être tanné, là, ça. Ouais, mais tu sais, si tu veux baisser les bras, là, tu veux pacter tes petits pis t'exiler loin de tout, là, tu veux passer l'hiver en position fœtale en écoutant Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen. Sur repeat. Sur repeat. OK. Alors, c'est pas moi qui va t'en empêcher. Parfait. Parce que moi, je vais t'avouer là, que ça commence à être dans mes plans. Quelques bonnes raisons, ouais. Voir si t'en cherchais. En voici. T'as un nouvel job de rédacteur pigiste pour un blog super trendy. Bravo. Mais tu vas être payé en visibilité. C'est ça. OK, une autre histoire. Ton band a enregistré un album, mais ça décolle pas. Mm. Mais ça, par contre, tout n'est peut-être pas perdu. Je vais te donner une petite liste d'affaires. Il faut que tu les coches. Okay, si tu les imagine des cases. Tu les cases, okay. Tu coches les cases. Si tu les coches toutes, le okay. Succès va venir. Parfait. Je m'essaye. Alors, est-ce que tu peux cocher cette proposition? J'ai montré ma nouvelle toune à mon neveu de 9 ans et il n'a pas été capable de la jouer. Important. OK. Un autre coche à cocher. Le chanteur de mon band chante dans sa langue maternelle. Mm. important. Je trouve que c'est important. Oui. OK, une autre case. Je sais que si mon band veut jouer à l'extérieur de Trois-Rivières, c'est une bonne idée de connaître des bandes de l'extérieur de Trois-Rivières. Mmh. Et de façon générale, je sais que c'est une bonne idée de connaître d'autres bandes que le mien. Ça, ça aide. Une autre chose à se souvenir. Mon band n'ira jamais, jamais, jamais jouer dans un Valentine. Nope, c'est bon. Miam. Jamais. Jamais. Tu coches ça. Ça devrait être le premier. OK. Une autre chose à cocher. Je sais qu'on est 110 000 chanteuses à voix au Québec. Faut le savoir. C'est important. Une autre chose. Je ne réenregistrerai jamais le même album trois fois. Fais pas ça. Qui a fait ça? Il y en a qui font ça. OK. Sur des titres différents, mais c'est les mêmes tunes. Oui. Tu fais pas ça. All right. Une autre chose. Si mon band punk donne un show sur la route, puis que tu dis à la crowd que tu viens de Trois-Rivières, puis que la foule crie « Steve-ville! » Il faut comprendre tout de suite, immédiatement, que t'es mal booké. Oh. Faux. Mm. Une autre chose, le logo de ton band peut pas contenir une note de musique ou une guitare. C'est cliché, hein? Ça marche pas, ton band. C'est sûr que ça marchera pas. Autre chose, là, un peu semblable, la pochette de ton disque peut pas avoir été faite sur Word. Avec le Word Art. Oh, c'est beau en 3D, tout. La photo de presse de ton band ne peut pas avoir été prise devant le pont La Violette ou un coucher de soleil. Et dis donc à ton bassiste de ne pas mettre son chandail tie-dye pour la photo. Non, c'est tellement beau. Des petits détails qui aident. Des détails d'ail. C'est des détails d'ail. OK. Une autre raison pourquoi la vie est laide. Parce que ceci est arrivé le mois dernier à Trois-Rivières. Et je cite, et c'est vrai. Okay. Spotted. Oui, les Spotted, c'est partout. Ça. Ouais, Spotted. Okay. Spotted, les chums de gars en qui les filles ont confiance à 110%. Je suis une fille qui jamais n'aurait douté de ses chums de gars. Voici son histoire, c'est elle qui l'écrit. Comme d'autres fois avant, on sort. Mais voilà, ça tourne mal. Comme personne n'aurait pu imaginer. Ils me tiennent de force par les bras et les chevilles et s'amusent comme ils peuvent. Même si je pleure et je me débats. Mais ils n'ont pas réussi, pas jusqu'au bout. Avec des larmes, des coups de pied, tu réussis à t'en sauver. Je cours nu-pied comme une zombie. Tes chums de gars courent aussi en disant bêtement, c'est une joke, on s'excuse, voyons. Ça, c'est sur Spotted. La fille continue d'écrire son affaire. Ils sont désolés. On est désolés quand on accroche quelqu'un, calvaire. La honte, la brisure, je dois leur pardonner parce qu'ils sont désolés ou leur faire éprouver la honte qu'ils m'ont fait sentir et que je sens toujours. Œil pour œil, dent pour dent, je les traîne en justice pour voir leur honte et s'effacer la mienne. Un peu. Wow. Alors ça, j'ai lu ça sur Spotted, okay. Ville de Trois-Rivières. J'imagine que ça... Si je m'adresse à cette fille-là, je peux pas croire que ça va t'aider là, que je t'écrive ça là, par rapport à ce que t'as vécu. Là. Mais il faut au moins que je te le dise. Je peux pas m'en empêcher. Et c'est sincère. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé une affaire comme ça. Je crève de honte d'être comme biologiquement associé au même sexe que ces charognards-là. Et j'espère que tu vas les poursuivre devant la justice. Et surtout que la justice ne va pas t'humilier davantage. Ouais. Courage. Et puis, tant qu'à y être, je débouche une canne. Sacrifice. C'est un sujet connexe. Ça fait 3 cas apparents, on ne sait jamais exactement, là, 3 cas de GHB en quelques semaines qui sont portés à mon attention, à Trois-Rivières. Et ça me met hors de moi. T'aimes ça, violer des filles qui sont passed out? C'est devant des femmes inconscientes que tu mesures ta virilité avec des baises nécrophiles que t'allonges ta liste? C'est winner, en esti. Ton temps achève, mon petit pharmacien des bars, je te le garantis. On est pas mal plus nombreux que toi à ne pas accepter ça et je te garantis que ton temps achève. Il va falloir que quelque chose se passe. Et en attendant, je te suggère de pas passer sur mon chemin. Tu vas apprendre le sens de l'expression « être dominé physiquement ». Tant qu'à être en gars, on va te faire passer un petit message. Donc voilà, on continue cette liste. C'est laid, hein? Oui, c'est très laid, mais c'est la réalité. Hein? Écoute, c'est le morceau là, qui m'a donné naissance à cette chronique. Quand j'ai vu ça, j'en venais pas. J'en reviens pas que ça existe, ça. Des amis, ça, la fille sort, ils sortent avec ses chums de gars, puis ils décident qu'elle pogne, puis ils tirent dessus, puis nanana. Je dis, hey! Ça, c'est dans le même moment de l'année où, en plus, il y a eu quelqu'un qui était poignardé au centre-ville, genre récemment. Là, fait que ça va pas bien en ce moment. Entre... Je sais pas. Ça m'écœure. Bon. OK, écoute bien ça. Brooklyn Urbain trottier la rue. C'est un nom de personne, quoi? Sigmund Fradette. Arcade Néon Bibo. Quinoa Rainbow Saint-Amand la forêt. Heath Ledger Joli Cœur. Oh, wow! Ben oui, tes amis hipsters attendent un bébé. Ça va, c'est là où on s'en va. Ouais. C'est là où on s'en va. Wow. Heath Ledger Joli Cœur. C'est génial. OK. Puis en rafale, là. On avait des raisons, là. Gabin, ça. T'es pas capable de te souvenir du nom de l'émission de ton enfance où un jeune garçon originaire d'une planète située de l'autre côté du soleil et peuplé d'athlètes est envoyé sur Terre avec la mission de promouvoir l'esprit d'équipe. Ah, non, je sais pas. Tu viens pas de Sport Billy que ça s'appelle. Hein? Sport Billy, mesdames, messieurs. iOS 7 ralentit tellement ton iPhone. Bon, un autre qui parle d'iOS 7. Tu sais pas comment t'habiller pour le prochain show d'Arcade Fire. T'as toujours pas de nouvelles de ta réservation dans le tout-inclus des Philippines. Pas de Wi-Fi au Gambrinus. Pas de Wi-Fi au Gambrinus. Sérieux? Dramatique. What the fuck? Come on. Et Walt meurt dans le labo des nazis et la police arrive. Fait que je viens de... Non, j'ai pas entendu. Je viens de te spoiler la finale de Breaking Bad. Hey, ça, c'est des first world problems, mon ami. Si t'en as besoin des raisons de quitter cette vie, en voilà. Une dernière. Okay. T'es tanné de Facebook. Ouais. Ça, c'est pour moi, ça signale l'écœurement complet. Ça fait longtemps, ça. J'suis tellement d'accord. Mm. Mais come on, fais juste liker mon article. Tu déconnecteras ton compte après. Please. Please. T'as pas vraiment spoilé Breaking Bad pour vrai. C'est pas le vrai, ça. J'ai checké sur Wiki. Je connais tellement pas ça. Je laisse spoiler quelque chose. Hey. Je sais que dans Lost, c'est le rêve du chien. Après ça, tu vas me dire que le Père Noël existe pas, hein? Mais... Sébastien Duluth, dernière chronique. Fait que merci. À vie, je pense. C'est vrai. Ah, j'accepte pas ça. Mais je t'apprécie quand même, malgré tout. Hey, on me demande si ça va dans la vie, parce que... On me demande tout le temps ça, ça veut rien dire. Ça va-tu? Ça va super bien. Ça va bien? Mais j'ai besoin de laisser sortir la vapeur. Une tribune. Des affaires moches. C'est bien beau de l'écrire dans le jaune campus. Non, il n'est pas jaune. Mais non, pas jaune, il est vert. C'est ironique. On s'est dit que le prochain logo jaune à la place. On l'appelle jaune campus. Mais journalisme et jaune, c'est pas... Journaliste. Le jaunisme en journaliste. C'est un peu comme le journalisme spectaculaire. Ouais, ça fait Big Bird aussi. Et là, j'ai peur. OK. Donc, on t'écoute dans l'assemblage requis aux deux semaines et on clique dans un campus, zonecampus.ca. On like sur Facebook. On se fait un compte juste pour ça si on l'a effacé. Puis on a appris notre leçon. Et on lit Zone Campus, papier, pas juste à l'UQTR, au centre-ville aussi. Il faut le savoir, on le dit pas assez, mais dans les cafés, tout ça, on trouve le journal. Moi, j'adore ça quand je vois des gens que je connais pas qui lisent le journal. Je trouve ça très, très cool. Morgane, ils sont tous dans Morgane. Ouais. Donc, encore une fois, merci Sébastien Duluth et à la prochaine fois pour un autre Va voir ailleurs, j'y suis. Oui, avec plaisir, à bientôt. C'était Sébastien Duluth et son avant-dernière chronique, Va voir ailleurs, j'y suis. On a une dernière dans quelques instants. Ici même à l'assemblage requis, mais avant ça, Jean-Philippe. Mais avant ça, Mathieu, on a des billets à vous faire gagner. Hein? Oui, vous faire gagner, vous donner, vous les donner. Oui, tout simplement. Donc, pour Joan and the Field, Qui va être en spectacle au Centre culturel Pauline Julien le 31 janvier à 20h. Donc, ce vendredi. C'est bien ça? Oui, ce vendredi à 20h au Centre culturel Pauline Julien. Donc, Joan and the Field, qu'on connaît quand même ici. Oui. On les a fait jouer quand même assez souvent. Très, très, très, très bon. Petit duo de la région. Oui, exactement. Donc, une paire de billets à gagner. Vous avez juste à appeler le 819-376-5183. 376-5183. Et puis, je pense, est-ce qu'on allait en écouter une... Oui, on s'en va entendre la pièce Back in the Country de June in the Fields. Encore une fois, 819-376-5183. Pour le spectacle du 31 janvier. C'est là que ça se passe. On est lundi matin, là. Il faut que ça appelle, là. Ouais. 8h57, come on. Parce que c'est vendredi. Feels good to be back in the country. It seems that everything is easy. Birds are singing at the break of dawn. Maybe I should live on a farm. From this crazy world, one with the rhythm of the earth, one with the rhythm. It feels good to be back in the country. Sunflowers growing free. Blue jays I'm in bird and windows are flying. Such a feeling, the sky open wide. Far, far, far from this crazy world. One with a rhythm, the rhythm of the earth. Far, far, far from this crazy world. Breakfast in the fields in the morning light. The September breeze makes the soul alive. Breakfast in the fields in the morning light. Oh, oh, oh. The September breeze makes it so alive. It seems that everything is easy. Birds are singing at the break of dawn. Maybe I should live on a farm. Les petits oiseaux chantent au lever du soleil. Peut-être que je devrais vivre sur une ferme. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Des gens de talent. C'est les paroles de June in the Fields. On les adore. Leur pièce s'appelle Back in the Country. Félicitations aux gagnants. Et on aura d'autres concours au dîner de cons sur l'heure du midi. Et pour le reste de la semaine, jusqu'à vendredi soir. Jusqu'à vendredi matin, en fait, puisqu'on n'est pas là ce soir. Le spectacle a lieu, par contre, lui, vendredi soir, au Centre culturel Pauline Julien. Oui, à 20h. 20h. Au retour, c'est la chronique. Arrête avec tes questions. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! À Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Wow! On accélère! C'est quoi le nom dans les bleus poudres, là? C'est celui qui faisait ça, là, qui parlait de loin puis de proche. C'est quand on le demande qu'on sait pas. J'arriverai pas à réfléchir de la journée. Si vous le savez, 376-5183. Et vous nous méritez d'autres billets. Ah, en tout cas, celui qui pose des questions. Je me souviens plus. Bref, on sait tous de qui on parle, sauf qu'on sait pas de qui on parle. Toujours à Assemblage requis, on est là. Et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Tantôt, on a dit qu'on était près de la fin pour Sébastien Dulude. Et je pense que, pas qu'on veut se débarrasser de lui, mais malheureusement. Malheureusement, pas le choix de se débarrasser de lui. Donc, à un moment, c'est pas vrai. C'est son choix. C'est lui qui a choisi de s'en aller. Donc, voici la dernière chronique à vie de Sébastien Dulude. C'est Va voir ailleurs, j'y suis. Encore une fois, Jean-Philippe, pendant le bout de temps où on parle avec Sébastien, tu ne vas pas te parler. C'était un petit peu comme dans une sitcom où le gars est dans le générique quand même, mais tu le vois pas vraiment souvent. Il fait juste genre être là en arrière. Tu sais, il est là au début. C'est pas à la fin. Peut-être un gag à la fin, mais pas plus. Ouais. Pendant qu'on accueille Sébastien Dulude. Sébastien Dulude, salut. Salut, Mathieu. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, mais là, je suis triste d'entendre que c'est ta dernière chronique dans Zone Campus. C'est ma dernière chronique dans Zone Campus. C'est ma dernière session d'université. Ah oui, tu nous quittes. C'est ça qui se produit, là, à un moment donné. On a fait tous les diplômes possibles. Il en reste plus, on a épuisé les ressources naturelles. On a fait le tour. C'est comme ça. Mais bon, on va te reparler éventuellement, comme on dit pas adieu, là. Mais non, on me dit pas adieu. J'ai fait de la radio bien avant de commencer à écrire le journal. Oui. Ça fait peut-être 5-6 ans que je suis impliqué dans le journal. Mm-hmm. De la radio depuis que je suis arrivé à l'université. Ça fait 10-11 ans de tout ça, peut-être. Et t'as mixte. Oui, c'est ça. Donc, moi, ça fait partie de ma formation universitaire. Il y a toujours eu la radio pas loin, donc c'est dans mon cœur. Tatoué, super. Mais pour vrai, hein? Pour vrai. Ben, on t'apprécie. On a vraiment aimé ça, te connaître à travers les années. Et on espère que c'est pas exactement terminé aujourd'hui, là. Non, mais c'est ça. Mais là, on clôture. On termine Va voir ailleurs, j'y suis. Ça, c'est vrai. J'espère que j'aurais donné le goût au monde d'aller voir ailleurs. Et c'est ça, j'ai terminé sur une note légère. J'ai voulu parodier. Ça faisait un bout de temps que je voulais parodier les quiz style feed d'aujourd'hui, là, à l'époque. Là. Magazine, là. Magazine, les quiz, là. Avec, pour mieux vous connaître, il y a des choix de réponses. Puis là, il faut regarder. Après ça, c'est toujours écrire des réponses à l'envers. Oui, c'est ça. Là, ça donne des pointages. Puis là, vous regardez de temps en temps de chiffres et temps de chiffres. Vous êtes ci, vous êtes ça. Donc, je vous propose le quiz. Êtes-vous narcissique? Ah, ben là, moi, est-ce que je peux répondre à la question tout de suite? Je pense pas. J'espère que non. Ah. Je veux savoir en vivant ton quiz. Pas de meilleure opportunité que de valider ça à l'instant, Mathieu. On va valider. Es-tu narcissique? Donc, cette semaine, dans votre magazine Fail d'aujourd'hui, le quiz indispensable. Êtes-vous narcissique? Prêt donc pour la vérité choc? Oui. On y va. Alors, ce sont des situations pour la plupart. Question numéro 1. À l'aéroport, ta blonde... Ben, c'est ça, je te le fais personnaliser. Okay. Et à la maison, ben prenez ça en note, puis je vous dirai les pointages, puis on pourra essayer de suivre... Essayer. En auto, je le suggère. Non. Plus écouter. Bon, à l'aéroport, ta blonde revient d'un voyage de 2 semaines. Ah! Dès son arrivée, tu postes sa photo sur Instagram avec le hashtag de retour, enfin, likes for likes, please follow, follow back, me and love. Puis après, t'embrasses ta blonde. B, dès son arrivée, tu lui demandes qui sont ses 3 nouveaux amis ajoutés sur Facebook récemment. Oh. Ou C, dès son arrivée, elle reçoit ton texto, c'était trop long, DSL, désolé, j'ai rencontré quelqu'un, DSL, plus, YOLO. Je vais aller avec le B. B. C'est B. Ah, parce que moi, je considère que... Pas le premier. Il n'y a pas d'autre option que ces 3-là à l'aéroport. C'est juste 3 comportements. Ça fait le tour de l'éventail des comportements qu'on peut avoir. OK. Tout le monde s'entend pour dire que c'est important d'aller voter. Mm-hmm. Personnellement, ta principale raison d'aller voter, tu veux... Plus de services et moins d'impôts, moins d'attente à l'hôpital et moins d'impôts, moins de trafic sur le pont et moins d'impôts, plus de stationnement et moins d'impôts, moins de taxes et moins d'impôts, plus de retour d'impôts et moins d'impôts. En gros. B. T'as pas envie d'entendre parler du même premier ministre pendant encore 4 ans à la télé. Ou c'est, tu prends le congé de 4 heures qui est offert par ton employeur, puis tu vas au centre d'achat à la place. On est à la radio, c'est mon boss qui coanime, donc je vais prendre B. Alors, B, moi je note tout ça. Question 2. Hey, je suis pas bien bon, on va faire à l'envers. Là. Ouais, B, ça donne. Okay. OK. Tu viens d'obtenir un E dans un examen. Laquelle de ces réactions t'apparaît la plus normale? Hey, sérieux, la prof me voulait trop, là, puis là je l'ai ignoré et je paye le prix. B, sérieux, la prof, elle voulait trop me revoir la session prochaine. Non! Ou C, sérieux, si c'était pas des fautes, j'aurais eu comme C moins facile. Sérieux, je vais y aller avec B. B, alors... Je pense qu'à date, je fais pas mal des B tout le temps. OK, hein, mais ils valent pas toujours la même chose. Ah, OK, tant mieux. Moi, on dirait que je les regarde pas super bien. Hein. Ce sera n'importe quoi. Ben ça, la... Non, non, mais je le sens, ton profil, il se profile. Il se profile, mon profil? On le voit de côté. Là. Votre style musical préféré, ton style musical préféré, A, est-ce que c'est le reggae puis la musique de hippie en général? B, c'est te faire chanter Bonne Fête. Ou C, le karaoké. Aïe, que c'est passé. Encore B. OK, Bonne Fête. Non, certainement Mathieu, pas. Donc ça, 4, question 4. Okay, moi, je vais par processus d'élimination plus que par vraiment, c'est ma réponse. Bon. Es-tu en train de dire que j'ai pas comme couvert un éventail assez large de situations? Excuse-moi, je veux pas t'insulter. Ça couvre tous les comportements humains possibles. OK, laquelle de ces situations t'enrage le plus? Le téléphone de ton ami peut faire des selfies et pas le tien. C'est sûr que le tien fait des selfies. Non, oui, oui. Let's go, whatever. T'as assisté à l'enregistrement de Tout le monde en parle et on t'a pas assis dans le champ des caméras. Là, c'est insultant, ben. Et c'est ta nouvelle photo de profil est en ligne depuis 10 minutes et personne n'a encore liké. Oui, encore, ouais, ça serait insultant. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Hey, là, il y a juste trop de chiffres, là. OK, on est là, c'est bon. Je poursuis. Dans un monde de rêve, tu serais A, un écrivain célèbre, B, un acteur célèbre ou C, un musicien célèbre? Wow, je vais varier, je pense A. OK, ouais. Oh, ça, c'est beaucoup de points. Ouais, c'est pas beaucoup de points de narcissisme, un écrivain célèbre. OK, parmi les personnalités suivantes, tu t'identifies le plus à A, Doc Mayou, B, Luca Rocco Magnotta, ou C, Gab Roy. Colin. Ah, c'est comme trois has-been déjà. Ouais, hein? Mais là, j'ai quasiment pas le choix de dire Ah non, ils sont tous difficiles. Gab Roy, je sais pas. C'est deux. Reculons pas mal. OK. 8. Laquelle de ces situations te semble la moins acceptable? OK. Tes amis Jean-Philippe Auger au coin et Marie-Emmanuelle Gerbé la rue ont nommé leur fille Marie-Philippe Auger Gerbé au coin la rue. Au coin la rue. OK. Ta blonde veut pas d'enfant parce qu'il faudrait transformer la pièce où elle expose tous ses trophées de patinage artistique en chambre de bébé. Cette question-là, je la comprends pas. C'est des choix, ça, là, toi. Ouais, et c'est ta blonde veut un enfant parce qu'elle est tannée de toujours recevoir les mêmes compliments par des passants à propos de votre chien. Wow, belle question. Ouais, je suis ici, c'est l'auteur. Je peux-tu regarder une deuxième fois les choix de réponse? En fait, là, ce qui est narcissique, là, c'est quand du monde donne des noms à leur enfant en utilisant leur propre nom, puis ça donne des insanités. Mm-hmm. Ensuite, ça, c'est genre. Vous semble la moins acceptable. Vouloir changer une pièce de trophée. Mais clairement, les quadruples noms, c'est moi, ça m'insulte. J'ai avec OK, donc, si on est là, ça donne des beaux points. Ça. Vous réécouterez la chronique pour ceux qui suivent pas. Ouais, non, c'est ça. Mais vous l'adaptez. C'est un cas papier aussi. Zonecafus.ca. Des fois, on atteint la limite de ce qui est possible de faire. En fait, le papier, hein? OK, 9. Tu croises une célébrité internationale dans la rue, sur la rue des Forges. OK. Quel sera ton souvenir le plus marquant? T'as une paire de souliers qui ressemble un petit peu au sien. Ta photo de cette célébrité a été retweetée plusieurs fois. Wow. Ou t'en gardes pas vraiment de souvenirs parce que tout de suite après, vous avez cru entendre quelqu'un prononcer votre nom, mais non, c'était juste comme quelqu'un qui éternuait, mais en tout cas, ça t'a distrait. J'ai avec ça, tu vois. Avec ça, ouais, OK. N'en est pas. Ah oui, OK, et dernière question. Parmi ces scénarios, lequel vous apparaît le plus vraisemblable? Vraisemblable. A. T'es un agent d'immeuble et t'apparais en chest sur ta photo d'agent d'immeuble. B. T'es drummer dans un groupe et tu penses à une carrière solo. Et ça, c'est vraiment grave. Et C, t'es gynécologue et tu te remplaces les cheveux en regardant dans le spéculum. Parce que spéculum en latin veut dire miroir, okay. N'est-ce pas? Ah, oh, wow. Est-ce que c'est vraisemblable ou invraisemblable? Vraisemblable, oui. Agent d'immeuble en chess, carrière solo de drummer ou gynécologue bien payé. OK, non, B. Tu peux avoir un certain talent en tant que drummer. OK, alors on compte ça. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, tu as obtenu entre 17 et 23. Il fait tomber sur le 21 pour avoir un Joker. Non, c'est une flush. C'est quoi le carton 21? Alors, c'est que t'es épouvantablement narcissique. Ah, oh, wow. À la limite paranoïaque, psychotique. Lorsque vous écoutez le hockey à la télé et que le coach demande un temps d'arrêt pour un conciliabule de joueurs, vous croyez qu'il parle de vous. Mais rassurez-vous, il ne parle pas de vous. Il parle du tueur à gages qu'ils ont engagé pour vous buter. Bon, alors, limite paranoïaque psychotique, Mathieu. Ben, je m'attendais pas à ça. Non, mais profil de l'animateur radio, c'est tout à fait ça. C'est vrai. Si t'avais obtenu un peu moins en 10 et 16, ça c'est pour les gens qui ont obtenu en 10 et 16, vous êtes terriblement narcissique néanmoins, limite asociale. Vous choisissez des amis moches pour mieux vous faire paraître. Vous partez en voyage juste pour montrer votre photo de passeport. Vous avez ouvert un compte Facebook pour votre chat. Vous avez fait imprimer sur la même tasse de café l'origine étymologique de votre prénom, les caractéristiques de votre signe astrologique et votre face. Et ceux qui ont vraiment là, topé très fort, là, 24 à 30, là. Vous êtes atrocement narcissique, limite mégalomane. Vous possédez une pièce secrète dans le sous-sol où vous exposez quelques centaines de moulages en plâtre de vos organes génitaux. C'est grave. C'est dans cette pièce que vous faites du vélo stationnaire chaque matin en écoutant « I'm too sexy » dans le tapis. Et il vous arrive, lors de certaines soirées mondaines où vous ne connaissez personne, de faire semblant de parler anglais et de vous présenter en disant « Hi, my name is Fred. I wrote « I'm too sexy » back in the days ». Et si vous êtes une femme, vous dites plutôt « Salut, moi c'est Marie-Pierre, Éric Lapointe a écrit une toune sur moi, tu sais. Je sais pas si tu connais, Marie-Stone. » Marie-Stone. Ah, ça c'est le genre de narcissique mégalomane. Et toujours dans ce même sous-sol, là, où vous êtes démasqué, vous avez enregistré plus de CD que Normal Amour et plus de capsules vidéo que Violon Gay réunis. Vous êtes pour votre entourage ce que l'herpès buccal crée le jour de vos noces. Un immense malaise. Ah, voilà, c'était « Êtes-vous narcissique? » Magazine Fail d'aujourd'hui. Donc, la réponse, c'est oui, dans tous les cas. C'est... Ah, ben oui, galon. Ah, tu n'as pas remarqué ça. Ouais, c'est... Ben. Ah, ben. Eh, ben, waouh, ben, je vais changer ma vie en fonction de ça, parce que dorénavant, je sais que je suis narcissique, donc je vais essayer de m'améliorer. Ouais, hein, non, mais je pense, là, le problème, là, c'était Gabrois. Gabrois, oui. Je pense que t'aurais été mieux que Luca Rocco Magnotta, c'est moins pire. Ou Doc Mayou. Mm-hmm. Ça aussi, c'est... Ouais, mais c'est excellent. C'est vraiment, j'ai appris des choses et j'espère que les gens à la maison vont aussi avoir appris. Évidemment, là, c'est difficile de vous donner les points. Mais allez sur assemblagerequis.com. Faites le test. Il y a ça, le lien est là. Zonecampus.ca, sinon cherchez le dernier article de Sébastien Dulude. Va voir, j'y suis. Tout est là. Il n'y a aucune façon de le manquer. Mm. Zonecampus.ca. Merci Sébastien Dulude. Merci à toi. Merci à vraiment à tous ceux qui m'ont donné des commentaires, qui avaient été intéressés, qui suivaient ce que j'écrivais. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux échanges à travers cette expérience-là. Puis c'était vraiment ça, le but de faire tout ça. Ça m'a vraiment plu. C'est le fun. Si on veut te contacter encore dans le futur, sur Facebook, t'es là. On peut te trouver. Il y a moyen. J'imagine que... Courriel, je suis sur Google. Google, sûrement. Ton adresse est quand même publique. Tu l'as publié dans le journal. Donc, sébastiendulude@gmail.com. Ça me fera plaisir. Merci, Sébastien. Merci à toi. À bientôt. C'était Sébastien Dulude et sa dernière chronique à vie pour Voix Voyeur, j'y suis. Oh. On remercie encore. Et toi, ben, JP, t'es de retour à la fin de cette chronique-là, comme à la fin d'une sitcom où tu ferais juste rire de moi. Oui, exactement. Jacker! Je savais! Les réponses étaient vraiment mauvaises. J'aurais dû réfléchir plus. Je m'en veux, on dirait. Ouais, ben des fois, sur le coup du retour, hein. Oui. Là, t'étais sur le coup de l'émotion. Tellement. C'est la dernière chronique, donc je suis vraiment, vraiment fébrile. Mm-hmm. On va le retrouver peut-être un jour. Je lui ai demandé en ronde s'il avait envie de refaire quelque chose. Il est bien occupé, le gars. Oui, mais écoute, on sait jamais. Faut jamais dire non. Exactement. On sait pas. On sait pas. Sébastien Dulude, on le remercie pour ses années de service. Il est là depuis le tout premier mois d'Assemblage Requis en septembre 2009. Donc, quand même un bon petit bout de chemin pour lui. C'est tout pour lui et retrouvez-le encore une fois sur zonecampus.ca pour ses chroniques. Sinon, on prend une petite pause musicale, on revient avec Arrête avec tes questions, notre dernière petite chronique de questions-réponses. Pour l'instant, on écoute Rouge-Pompier. Dédonter ton chien. La, la. Qu'on dédie à Sébastien, qui est des fois un petit peu chien. Des fois. Des fois rouge. Mais il est pas dédonter, pompier. Dédonter ton chien. Dédonter, j'ai dédonté ton chien. Il montait sur le divan. Mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. De la crème glacée, c'était le plus beau week-end de sa vie. C'est genre un couplet, la chanson. Tu peux pas t'en virer de bord. Non. Parce que l'intro a comme 15 secondes. Fait que la chanson qui dure en tant que telle combien? 56 secondes, 57, doit en durer même pas 40. On s'en allait se jaser. On a juste eu le temps de faire... puis non. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, arrête miam. Avec tes questions. Ah! La batterie, là. Oui. Sont pour ton papa. Écoute-moi pour la dernière fois. Il y a pas de choses, mon petit gars, qu'on sait pas. C'est comme ça. La la la. Wouh. On peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir non plus. Non, je suis là pour répondre à tes questions. Jean-Philippe, avec le meilleur de mes connaissances. Oui. Donc, écoute, sans plus tarder, Mathieu, on va y aller avec une question que tout le monde brûle ses lèvres. Tout le monde brûle ses lèvres avec un lighter pour ça, avec ben un briquet. Oui. Ben oui. Pourquoi les films hollywoodiens coûtent si cher à produire? Eh, maudit, dans quoi tu t'embarques avec cette question-là? Toi, là, là, là! Ben oui! Évidemment, les films, tu le dis, ça coûte cher. Des fois, on entend parler de 250 millions, 300 millions, etc. Ben oui. etc. Donc, selon la Motion Picture Association of America et leur annual report, leur rapport annuel, les films font des dizaines de milliards de dollars par année au box-office et ça n'arrête pas d'augmenter. Il y a des films qui font des dizaines de milliards de dollars. Certains des plus grands succès de 2013 ont aussi de très, très grands budgets. Par exemple, The Hunger Games Catching Fire, supposément un budget de 130 millions. OK. Donc, s'il fait dans les dizaines de milliards, on s'entend qu'ils sont rentrés dans leur argent pas mal. Oui. Le plus récent film de super-héros de Warner Brothers, Man of Steel, le film de Superman, a fait 225 millions de budget. Wow. Donc, typiquement, de façon complètement typique, les détails du budget sont confidentiels. Okay. Confidentiel. Par contre, il y a un budget qui a fuité pour le film de M. Night Shyamalan, celui de 2004, le trailer The Village. Le budget a fuité sur Internet, donc ça peut nous apprendre bien des choses. Son budget d'environ 70 millions n'est peut-être pas représentatif, mais quand même. Bon, on a juste fait x2. Exactement. Donc, Robert Downey Jr., apparemment, qui a été payé 50 millions pour son film The Avengers, entre autres, donc peut nous donner une petite idée du salaire des acteurs, mais ce n'est pas la seule chose, comme va nous dire, évidemment, le budget qui a fuité. Les règles de la guilde des acteurs, la Screen Actors Guild, ça c'est comme un peu le syndicat, si on veut, du cinéma, ça dit qu'il faut absolument qu'un acteur fasse 859 $ ou plus par jour. OK. Entre autres, j'ai lu sur Jonah Hill, un des acteurs de Wolf of Wall Street, qui a accepté d'être payé le plus petit salaire possible. Il a accepté ça parce qu'il voulait jouer avec Leonardo DiCaprio et que c'était un film dans lequel il croyait. OK. Donc ça arrive des acteurs qui prennent un tout petit salaire. On inclut aussi évidemment les autres membres de l'équipe dans le budget, ceux qu'on a besoin pour la production et la post-production, la pré-production j'imagine aussi, pour donner un produit de qualité à la fin. Le nombre de gens dans une équipe, comme vous avez vu probablement dans les génériques de films, peut être exceptionnellement élevé. Donc, on paie toute cette équipe-là un petit salaire, beaucoup plus petit que les acteurs, évidemment. Et évidemment, on dit ici à la fin que... Souvent, on va prendre de très, très grandes équipes. Ça va coûter moins cher que de payer une plus petite équipe, mais plus longtemps. Qui va se déplacer. Okay. Et qui va payer, il va falloir payer l'overtime, genre le temps supplémentaire. L'équipement et tout ça est aussi très, très cher. Le film 35 mm en couleur, ça coûte environ 45 $ par minute. Et typiquement, un shooting de film va prendre... on va filmer environ 15 fois ce qui est nécessaire pour faire un film de 120 minutes. On va faire 15 fois environ de filmer. C'est énorme. On peut dépenser environ 80 000 $ seulement sur le film. Okay. Donc vraiment, on parle de la bobine. Sur la bobine. Des bobines de film. Peut-être pas littéralement bobine. Sans mentionner le processing et l'équipement qu'il faut pour l'utiliser. Tout ça, on loue ça pour des dizaines de milliers de dollars par semaine environ. Le design du plateau, l'endroit où on filme, le set design et les effets spéciaux évidemment coûtent aussi beaucoup d'argent, surtout dans un film comme un blockbuster. Et faire exploser des choses aussi coûte vraiment très très cher. Donc les effets visuels et les effets rajoutés par ordinateur peuvent rajouter beaucoup beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'un film coûte aussi cher à faire à Hollywood. Intéressant. Ouais, j'aime ça. Justement, parlant d'argent, Mathieu, nous qui ne pouvons pas se payer des salaires comme ça exorbitants, non. On essaie d'économiser un peu et puis on, historiquement, on met notre argent dans des petits cochons, des petits cochons roses. Pourquoi les tirelires en cochon rose? Pourquoi? Ça vient d'où, ça? très bonne question. J'aime ça, j'aime ça. Donc, évidemment, mettre de l'argent dans un bocal ou un réceptacle, ça date d'il y a très longtemps, mais ça n'a pas toujours été un petit cochon. Hein. On a souvent appelé ça les money boxes ou des coin banks, utilisés depuis des siècles pour encourager l'économie de l'argent. Évidemment, on met une petite fente en haut pour ne pas pouvoir enlever l'argent. Hein. Le bocal est fermé hermétiquement. La seule façon était de briser le contenant, et c'est pour ça qu'on le faisait surtout avec des matériaux pas chers. Matériaux cheap. Et éventuellement, ça a évolué pour devenir des petits cochons. Les banques, au départ, les petites banques cochonnées, on n'en a pas retrouvé depuis. Pourquoi? Parce que les gens, évidemment, les cassaient. Donc, on a essayé historiquement de retrouver des banques, ben oui, petits cochons dans le temps, mais il n'y en a plus. Sont introuvables, sont cassés. Il y a quand même quelques petites théories sur la banque cochon, que ça daterait du 15e siècle en Europe, où un type d'argile qu'on appelait le pig, P-Y-G-G, a été utilisé pour faire des assiettes, des bouteilles, différents contenants. Et les gens mettaient leur argent là-dedans, dans les pig containers, donc P-Y-G-G. Ils ont commencé à appeler ça des pig banks, éventuellement avec la mauvaise interprétation de la langue. Pig est devenu pig. C'est quand même facile à faire, ouais, comme erreur. Donc, on a commencé à construire ces boîtes-là en forme de cochon pour aller avec le nom. Bon, quand tout même. Simplement. C'est ça. Ben, peut-être. C'est une supposition. C'est une supposition, une théorie. Il y en a beaucoup qui doutent de ça. On se demande même si le type d'argile de pig a même existé dans le temps. Donc, il y en a qui disent que non. L'étymologiste Michael Quinion croit que les banques petits cochons avaient une connexion avec l'Allemagne. On nous dit qu'on a trouvé quelques banques de cochonnets en forme de cochon là-bas. Une autre théorie, c'est que ça vient de la Chine pendant la dynastie Qing, Q-I-N-G. Les cochons symbolisaient la richesse et l'abondance dans la culture chinoise. Donc, les gens appelaient ça comme ça pour mettre leur argent dedans. Ils appelaient ça un cochon parce que le cochon était un symbole de richesse. C'est difficile à déterminer quand même d'où ça vient, selon mentalflash.com. Évidemment, toutes mes sources sont sur assemblagerequis.com. J'essaie de juste bien interpréter les propos. Et bien, de nos jours, on utilise les banques en forme de cochon un petit peu partout dans le monde. Le changement, c'est que maintenant, ils ont un bouchon en dessous. Eh oui, en plastique. C'est de la triche. C'est de la triche. Mais bon. Mais il coûte plus cher aussi. C'est vrai, sûrement. On va changer complètement de registre. De registre. Oui. Et puis, je suis allé faire mon épicerie en fin de semaine. Okay. Tu sais, j'achète des asperges en canne. Oh! Tout. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de brocoli. C'est vrai. En canne. Comment ça, non? Mais pourquoi? Pas de brocoli. J'ai rarement vu des choux-fleurs aussi, des trucs comme ça. Ben, je m'en allais le dire, mais je ne sais pas si c'est la même réponse. Ben, Colin, regardons un petit peu. Donc, quand on parle de légumes en canne, on trouve pas mal tout le temps les mêmes choix. Bon, tu l'as dit, entre autres, les petits pois, je sais pas, du maïs, des carottes, des champignons. Des champignons. Champignons. Mais on voit pas de brocoli ou même de poivrons, des piments. C'est vrai. En canne, tu as remarqué ça. Comme bien des choses dans la vie, ça a rapport avec leur apparence. Donc, pour préparer des légumes, pour les mettre en canne, il faut les chauffer assez pour tuer les micro-organismes dessus. Et quand on les met, évidemment, à la chaleur comme ça, le temps en dessous de la pression de la vapeur, entre 240 et 250 degrés Fahrenheit, la durée dépend de la densité du légume, nous dit-on, de son acidité, de son habileté à transférer la chaleur. Donc, le maïs et la citrouille, c'est ce qui prend le plus de temps comparé à, mettons, des tomates ou à des fèves vertes. Non seulement est-ce que le légume doit supporter la vapeur et toujours avoir l'air appétissant quand on sort de la canne, ben c'est ça, quand on met le brocoli à la vapeur, ben Colin, il reste pas aussi beau que ça. Ah ben. Il reste pas aussi beau que ça. C'est pour ça qu'on ne le prend pas pour les mettre dans des cannes. On laisse ça à des trucs un petit peu plus... disons, d'apparence un petit peu plus mangeable, si on veut. Les autres, comme les brocolis et les choux-fleurs, on les met dans des sacs à la place, ben oui, pour les congeler. Voilà, pour leur donner une meilleure apparence. Tout simplement. Tout bon, simplement. Ben, ça explique bien des choses. Ouais. Maintenant, toi qui es fan de 5 à 7. Ben oui. Au sentiment d'appartenance. Oui, Leech. Et souvent connu sous le nom aussi de Happy Hour. Ah oui. Mais pourquoi Happy Hour? Le mot Happy Hour 5 à 7, on comprend. C'est de 5 à 7. Et on est heureux en buvant. Ben oui, mais Happy Hour. C'est parce que c'est des heures heureuses. Ah ben, Colin. Pour les bars, les pubs et les restaurants, le happy hour est typiquement entre 16h et 20h. OK. Déjà là, tu vois que c'est pas un 5 à 7. Ça élargit d'une heure de chaque bar. Donc, c'est quand même commun. C'est fait, évidemment, pour augmenter les ventes d'alcool lors des jours de semaine où les choses sont un petit peu plus relaxes dans un bar. Donc, quand tu baisses les prix, tu fais un happy hour, tu as plus de clientèle, tu vends plus d'alcool, tu fais plus de poudre, tu travailles plus pour faire plus de poudre. Donc, c'est évidemment pour être heureux avant de manger. Mais le concept du happy hour n'est pas seulement une stratégie de marketing, et l'historique de tout ça a quand même une connexion avec l'historique américaine. Le terme lui-même vient d'un slang marin, donc dans le truc de marin aux États-Unis, dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Donc, l'happy hour, c'est une période de temps sur le bateau où les marins se divertissaient pour, si on veut, se soulager de la monotonie de la vie en bateau. Donc, ça voulait dire faire des matchs de lutte, de boxe. Et ça incluait un peu d'activités pour augmenter le moral. En même temps, les États-Unis vivaient une période un petit peu sombre, une période sèche, qu'on appelle évidemment la prohibition. Entre 1920 et 1933, la fabrication, le transport, la vente de certains breuvages étaient en prohibition. On n'avait pas le droit de le faire. Donc, à la place de suivre ça, les Américains sont devenus super alcooliques, encore plus que jamais. Donc, ils ont réussi à se trouver de l'alcool. Et bref, des cocktails illégaux. Et happy hour est une expression qui a été ramassée, soit directement ou par la bande de ce slang naval là, donc le happy hour. On a pris ça comme ça. Même si la prohibition a plus tard été retirée, le concept est resté. En 1961, un article dans le Providence Journal, faisait référence à des policiers de Newport qui étaient privés de leur happy hour ou bar à cocktail. Donc, c'est ça, on a mentionné le nom happy hour dans le journal. Et puis, soudainement, c'est devenu populaire à cause de ces mentions-là dans les médias. C'est pas un concept universel. Par contre, 23 États ont banni, empêchent les restaurants et les bars de vendre des breuvages alcooliques pendant une période fixe pour un prix fixe. Le Massachusetts a été le premier État à le faire en 1984. On n'a pas le droit de changer les prix pendant une case horaire fixe à tous les jours. Et à l'international, le happy hour a été banni en Irlande. Il y a des restrictions très spécifiques dans le reste du Royaume-Uni pour essayer d'empêcher le fait que ce soit comme acceptable de boire en fin d'après-midi. Au Canada, le terme happy hour par rapport à des prix spéciaux pour les boissons a été banni en Ontario. Et en Alberta, on limite ça jusqu'à 20 heures. Ça limite le prix de l'alcool et des happy hours jusqu'à 20 heures. Donc, évidemment, je n'ai pas les détails sur les prix exacts, là, mais bon, ils empêchent ça. Eh ben, dans certaines cases horaires, voilà. C'est drôle. C'est cool. Ouais. Et puis, dernière petite question, puisque j'écoutais Téléthon en fin de semaine. Téléthon en fin de semaine. Je te crois même pas. Ben écoute, ça se pourrait que tu me crois pas, parce que je pense pas qu'il y avait pas vraiment en fin de semaine. J'ai gagné la loterie en fin de semaine. Ils m'ont donné un gros chèque. Puis ils m'ont donné vraiment un gros. Comment tu sais ça? Oh, excuse-moi, j'ai comme un gros chèque. Marqué Jean-Philippe Charbonneau dessus. 1 milliard dessus. Et puis, je me demandais, ce chèque-là, est-ce que je pourrais le déposer? Ben, Colin, dépendant de l'endroit où t'es, potentiellement que tu pourrais le déposer. Oui. Ben, que ce soit un tournoi de golf, un gros concours, une loterie, on reçoit un gros morceau de carton pour prendre des photos avec. Et hypothétiquement parlant, oui, s'il y a les bonnes affaires dessus, tu pourrais l'encaisser. OK. Donc, un chèque valide doit avoir certaines informations dessus. Bon, ça doit avoir le nom de la personne qui possède le compte, son numéro de compte, le nom de la banque où le compte est situé, l'État ou la province, évidemment, qui a fait ce chèque-là, la date et une instruction, donc payée à... À l'ordre de Jean-Philippe Charbonneau. Donc, il doit avoir le montant en chiffres et en lettres, comme on sait. On sait comment remplir un chèque, je pense, même si on le fait plus bien souvent. Au-delà de ça, il y a quand même un petit peu de place. C'est quand même assez lousse par rapport aux matériaux qui est utilisé pour fabriquer le chèque et ses dimensions. Il n'y a pas vraiment de grandeur standardisée. Évidemment, l'article est américain. J'ai pas été voir si la Banque du Canada a d'autres règles pour ça, mais tu sais, comme on fait du copier-coller de la plupart des affaires aux États-Unis, ça doit être la même chose. Donc, il n'y a pas de papier spécial pour les chèques. N'importe quel papier qui sort de votre imprimante, tu sais, t'es directeur général de C'est fou, ils ont campus GMU, tu fais toi-même imprimer des chèques sur du papier, tout ce qui est le plus standard. Ouais. C'est vrai ça? Bon. Ouais. Voilà. Non. Non? Ben, tous les chèques sont déjà préfaits sur la feuille. Tu as une feuille de chèque, tu fais imprimer ça. Mais en théorie, j'imagine que tu pourrais le faire sur d'autres chèques. Ben, j'imagine. Mais c'est parce que dans le fond, il y a des trucs de sécurité là, sur le papier en tant que tel. Mais peut-être que tu peux en faire fi. Peut-être que tu peux en faire fi. donc, c'est ça. Donc, tu peux acheter un logiciel et faire toi-même tes propres chèques à la maison. C'est ce que l'article nous dit. Encore une fois, on est aux États-Unis pour ça. Donc, le papier n'est peut-être pas nécessaire. En fait, il y a plusieurs histoires qu'on a racontées sur Internet et ailleurs de gens qui avaient écrit des chèques sur des serviettes de table, sur des portes, sur la peau humaine et que ça avait été accepté. OK. Peut-être avant les mesures de sécurité qu'on a peut-être implantées avec le temps. Mais bon, donc si un chèque genre énorme comme on a dans les concours et les télétons serait valide, plusieurs banques ont des règles. Donc les banques individuellement ont des règles par rapport à ça que tu évidemment signes au début, ouais. Comme de quoi que tu es d'accord avec ça. Et donc, c'est ça. Ça peut inclure plusieurs règlements par rapport à qu'est-ce qu'ils vont accepter, qu'est-ce qu'ils n'accepteront pas. Et ça leur permet de rejeter un chèque assez facilement si ça ne va pas avec leur standard bien élevé. Donc, voilà. Mais en théorie, si le contexte était bon, si c'était au bon endroit, au bon moment, ça se pourrait que ça soit accepté. Wow! Voilà. Moi, je le saurai. Cool, hein? Quand je gagnerai à la loterie. C'est ça, un jour. Merci, Mathieu. Voilà. C'est tout pour notre chronique Arrête avec tes questions. Et ça va devoir être tout pas mal, genre là, slash il y a 4 minutes, pour l'émission d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. On remercie Sébastien Dulude. Oui. Alexandre. Marchand. De la Luitre. Match ce soir, 19h30, gratuit à Chasse-Galerie. Exactement. Et puis... C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Oui. Il n'y a personne d'autre. Toi, Jean-Philippe Charbonneau, merci. Toi, Mathieu Plante, merci beaucoup. C'est fou.ca hein, pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Demain, on aura Jean-Samuel Gay qui sera là pour parler de voitures dans son segment PRNDS. Alexandra Carignan va nous parler de culture, dans le temps d'une culture. Et on va jaser de sujets osés dans la chronique pour un public averti qui est Sexy Time. C'est l'émission de demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes parce que plus tard aujourd'hui, il y aura le Dîner de cons à partir de 11h avec Danny Janvier. À 13h, ce sera les Précieuses Ridicules, le magazine culturel. À 16h, à vous micro avec les actualités. À 17h, c'est la rediffusion de Radar Jeunesse. À 18h, Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan. Et finalement, à 19h, il y a deux émissions dans le rock. Donc, le voyage est à 19h et Rock de Neurone à 20h. Dans quelques instants, à 10h, ce sera Steve devrait arriver. Une nouvelle émission un petit peu variée quand même. Bonne fin de journée à toi, JP. Bye, Mathieu. À demain. Bye. Bonne neige, là. Bonne neige. Bon ben, bonne neige. Oui, ben voilà.